Bonjour, vous êtes à la Voix des Guerriers. Il y a le UFC 105 qui vient tout juste de se dérouler, alors vous vous en doutez, il va y en être question durant notre émission. Il y aura également quelques autres sujets, dont il y a un autre UFC qui s'en vient déjà la semaine prochaine, soit le 21 novembre. On va vous présenter cette carte-là. Il y a un événement de la WEC avec l'un des combattants préférés de Fred qui va être partie intégrante de la carte, soit José Aldo. Cette carte-là aura lieu le 18 novembre. Alors, tout ça et bien d'autres sujets dans la Voix des Guerriers cette semaine. Et on accueille tout de suite Fred, l'homme nouvelle Garcia. Bonjour, Frédéric. Salut, Ken. Si on commençait tout de suite en te demandant, penses-tu que Randy Couture méritait la victoire? Ah, quelle performance flamboyante. Randy Couture, incroyable performance. Oui, Joe Rogan tentait à penser, lui, que la victoire aurait dû aller à Brandon Vera. Moi, honnêtement, je pense que le combat était tellement serré que ça aurait pu aller un côté ou l'autre, là. Mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu quand même de Randy. Mais pauvre Brandon, je pense que le fait que Randy a un gros nom lui a peut-être enlevé la victoire hier. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est 46 ans aussi, son nom, tout le tralala, puis on le connaît. C'est sûr que avoir 46 ans, ça paye pour Randy Couture. Je pense que ça l'a aidé à remporter ce combat-là. Moi, je pense que Vera méritait de gagner la victoire, surtout au troisième, lorsqu'il a réussi à amener Couture au sol. Chose que Couture a tenté de faire tout le long du combat, mais il est à peu près jamais parvenu, sauf une fois au premier engagement. Sinon, ça n'a pas été le combat le plus spectaculaire, parce que, à ma grande surprise, Vera a réussi à se défendre facilement contre toutes les tentatives de Couture d'amener le combat au sol. Alors, une belle performance de Vera. Je pense qu'il n'y a pas démérité suite à cette prestation-là. Puis, au contraire, là, je pense que son nom a pris encore un peu plus d'importance pour le UFC, Brandon Vera, puis on va le revoir assez rapidement. Puis je pense que ça va être dans des combats d'importance également. Oui, Vera a très bien fait, comme tu dis. Randy a essayé de l'amener au sol reprise après reprise, tentative après tentative, puis Vera a quasiment bloqué toutes les fois. Je pense qu'il y a juste une fois que Randy a réussi à l'amener vraiment au sol. Et Vera a montré aussi du beau stand-up, des beaux coups de pied. Moi, j'y avais donné deux rounds à Brandon Vera. J'y avais donné le deuxième puis le troisième à lui. Et même le premier round avait été extrêmement serré. Alors moi, je pense que Vera avait la victoire dans sa poche. Mais comme on a dit au début, dans ce sport-là, le nom que vous avez, ça va aider, c'est sûr. Là. Alors, puis d'une façon, c'est peut-être normal. Je sais pas si c'est normal, mais Brandon Vera a peut-être pas été assez impressionnant pour vraiment gagner, mais la majorité du monde s'entend, je pense, à dire que Vera méritait un meilleur sort. Oui, c'est ça. J'ai fait ma petite tournée MMA Weekly, donné la victoire à Brandon Vera, deux rounds contre un. MMA Junkie, c'est le seul site que j'ai vérifié qui donnait la victoire à Couture, deux rounds à Couture. Bon, le premier et le troisième à Couture. Tous les autres donnent la victoire à Brandon Vera. Fanhouse, 29-28 Vera. Sherdog, eux, ils ont trois juges amateurs, là, je les appelle comme ça, qui eux, deux d'entre eux ont donné 29-28 à Vera, puis l'autre 30-28 à Vera, puisqu'ils avaient donné le premier engagement 10-10, puis je pense que c'était correct également, parce que le premier engagement, Couture pas. Parce que Couture, à peu près tout le long du combat, lorsqu'il a eu des bons moments, c'est qu'il a amené Vera contre le grillage, mais à partir de cette position-là, n'a pas réussi nécessairement à faire mal à Vera. Il l'a immobilisé sans plus, alors que Vera, lorsqu'il y a eu quelques secondes de moments de liberté dans ses mouvements, bien, il a eu la chance à peu près à chaque fois à toucher et à faire mal à Couture. On l'a vu dans les premières secondes du premier engagement, a atteint Couture, mais Couture tout de suite a réussi à se coller à Vera. Mais ensuite, au deuxième, je pense, c'est à ce moment-là où Vera lui est allé d'un excellent coup de pied là, dans les côtes et Couture souffrait. Puis il est même allé au sol, le combat est allé là. Vera n'a pas eu peut-être l'espèce de folie là, à la Wanderlei Silva, que lorsqu'il voit que sa proie là, est en péril, ben là, il finit le combat là. Vera n'a pas réussi à faire ça lorsqu'il en a eu l'occasion. Mais je pense sincèrement que Vera avait gagné le premier et troisième engagement, surtout lorsqu'il a réussi à amener Couture au sol. Sinon, le troisième est assez partagé parce que Couture a réussi à atteindre je dirais même peut-être à faire mal, mais pas terriblement mal. Plus à atteindre Vera avec ses mains. Sinon, ça n'a pas été un combat enlevant parce que Couture, bon, c'est pas le gars qui a très, très talentueux dans toutes les facettes du combat, mais c'est un bon lutteur, c'est un gars qui a un bon plan de match et il a resté concentré sur son plan de match et ça a donné un combat un peu terne parce qu'il n'est jamais parvenu à amener le combat au sol. Ouais, mais je pense finalement aussi que Vera peut-être avait la bonne préparation pour le plan de match, parce que moi dès le début je me disais Couture veut drainer l'énergie, il veut que Vera soit fatigué, puis c'est pas arrivé. Vera a montré un excellent cardio tout au long du combat. Alors comme tu disais au début, Vera, je pense qu'il va s'en sortir gagnant malgré une défaite, ou ce que il va avoir un bon combat à venir, un gros nom on va lui offrir. En tout cas, moi je pense qu'il le mérite. Puis dans la défaite, je dois dire que Vera a monté personnellement pour moi là, d'un point de vue si j'y donne une note. Je vois Brandon Vera aujourd'hui meilleur que je le voyais hier. Alors, malgré la défaite, il aura monté dans mes yeux à moi. Ken? Oui, allô? Nous avons perdu Ken. Fred. Ouais. Excuse-moi, Frédéric. Il n'y a pas de problème. J'ai un petit moment d'égarement. Ça alors, arrive, moi aussi, je les ai assez souvent. Moi, je sais c'est quoi la cause, là. On n'en parlera pas, mais... Est-ce qu'on on en a terminé avec ce combat-là? Parce que je pense que ça va couler. Il y a encore un peu comme le combat de Mauricio Shogun Rua et Lyoto Machida. Je pense qu'il y a plusieurs de tes lecteurs sur MMAnouvelle.com qui vont se laisser aller sur le clavier. Ils seront mécontents de la décision. C'est un peu comprenable, mais il n'y a rien de dramatique, encore une fois, je pense. Parce que Vera, je pense, bon, Dana White, il était là sur place. Et également, je pense que c'est un certain Silva qui est là pour... qui agit comme matchmaker, qui aide à la formation des cartes. Puis Vera va avoir d'autres combats. On va lui donner encore une chance parce qu'il a donné une belle prestation avec ses jambes, surtout, qui ont fait le travail. Ses défenses également contre les tentatives de mise au sol contre un des bons lutteurs là, dans le milieu du MMA, qui est Randy Couture. Alors, excellent travail pour Vera. Couture est également démontré qu'à 46 ans, il avait encore un solide cardio, puis il était encore capable de travailler très fort sur 15 minutes en entier, mais ça n'a pas été un combat pour lui où il a bien paru, parce que Vera a été vraiment très solide pour se défendre contre la lutte de Couture. Oui, non, comme on dit, une belle performance de Brandon Vera, puis j'ai bien hâte de voir qui qu'on va lui mettre devant. J'espère vraiment qu'on va mettre un bon nom devant Brandon Vera pour continuer à le tester et qu'on lui donnera pas un combat bonbon, là, un combat facile comme Pratt ou quelque chose du genre. Et moi, peut-être le gagnant du duel entre Matt Hamill et puis John Jones, ça me semblerait intéressant pour Brandon Vera. Oui, c'est une excellente idée. Et si on passait au combat Swick Hardy, t'as-tu hâte de voir Hardy GSP? Honnêtement, là, Swick doit être reconnaissant en Don Hardy hier. Parce que Don Hardy a fait en sorte que Swick n'aura pas l'occasion de se faire démolir par Georges St-Pierre. Ce sera Hardy qui va devoir prendre sa place. Mais Hardy a bien travaillé quand même hier. Puis c'est un peu ce qu'on disait la semaine passée. Il y a quand même de très bonnes mains. Puis à chaque fois qu'il a réussi à toucher Swick, il lui a fait mal. Puis Swick, on l'a vu assez rapidement au premier engagement. Il avait peur des mains de son adversaire, puis a tenté d'amener le combat au sol, chose qu'on avait, comme moi, j'ai pas eu la chance de voir très souvent de la part de Mike Swick. Hardy vraiment solide debout, gros gabarit aussi. Hier, j'ai remarqué ça, mais face à Georges St-Pierre, parce que le Swick n'est pas parvenu à amener le combat au sol, même s'il a tenté de faire ça à maintes occasions hier. Mais Georges St-Pierre, lui, il va pas tenter de le faire. Il va l'amener parce qu'il a réussi avec tous ses adversaires, même ceux qui étaient parmi les meilleurs lutteurs du UFC. Là, Josh Koscheck qui est allé au sol facilement grâce au talent de Georges St-Pierre. D'ailleurs, Georges St-Pierre, vous avez pu voir ça sur MMAnouvelle.com. Entre autres, aimerait peut-être tenter sa chance en lutte aux prochains Olympiques d'été en 2012. Je pense que ce ne sera pas nécessairement une tâche difficile pour Georges de se défaire de Darn Hardy. Oui, ben, on va parler un peu plus tard dans le deuxième bloc là, des Olympiques avec Georges St-Pierre. Pour Dan Hardy, en particulier, je dois admettre qu'il m'a impressionné hier. Je ne m'attendais pas à une performance de même de sa part. Et il m'a montré surtout, je pense, de la force physique que je ne m'attendais pas de sa part. Quand il bloquait toutes les tentatives de takedown, justement, de Swick, Hardy a montré qu'il était très fort physiquement. Et c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Mais avec ça dit, comme j'avais dit avant le combat, je crois toujours pas que Dan Hardy a fait assez de combats sur sa liste. Impressionnant pour mériter une chance tout de suite contre Georges St-Pierre. Je pense que ça va être un combat un peu inégal, mais on ne sait jamais. Dans un combat, tout peut arriver. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer aussi avec le combat de Josh Koscheck et Anthony Johnson, parce que comme on a eu la preuve avec Nate Marquardt et Dan Anderson, Dana White peut changer d'idée. Ça pourrait être quelqu'un d'autre que Dan Hardy qui a sa chance finalement contre Georges St-Pierre. Puis je dois admettre que je serais peut-être pas contre ça tout de suite. Là. Dan Hardy a mérité là, avec une victoire face à Swick, mais il y a d'autres gars avant lui que j'aimerais voir affronter Georges St-Pierre. Oui, rappelez-vous au départ, c'est le gagnant entre Swick et l'autre adversaire dont j'ai oublié le nom. Campman, Martin Campman. Oui, qui a perdu contre Paul Daly, alors... puis là, on a décidé, étant donné que Daly, à la surprise, à la grande surprise, je pense, de plusieurs, a remporté son combat face à Campman, ben, on a dit, ben, ce sera le gagnant, Swick Hardy, qui va pouvoir avoir accès à George. Mais encore une fois, je pense que l'organisation est peut-être surprise de voir que c'est Hardy qui a remporté le combat. Swick est un vétéran du UFC qui a 30 ans maintenant, mais là, a subi une première défaite dans la catégorie des 170 livres, parce que oui, il y avait deux défaites à sa fiche. Mais c'était contre des 185 livres, soit Chris Lieben dans la WEC, ça fait déjà plusieurs années, en 2004, et également face à Yoshino Kami, ça c'était au UFC en 2007, mais à 185 livres. Et là, à 170 livres, on a vu Ian Swick, il est rapide, mais a peut-être pas la force de frappe qu'un Don Hardy, par exemple, qui avec ses mains a réussi à faire mal à Swick et qui est allé chercher la victoire. Je pense assez facilement, là, 30-27, c'est la décision de deux juges, 29-28 pour un autre. Alors, une victoire par décision unanime de l'anglais. Alors, peut-être le francophone face à l'anglais au Centre Bell en avril ou peut-être avant, mais je pense que ce ne sera pas nécessairement un défi si important que ça pour Georges St-Pierre. Mais attention, Hardy, je pense, nous a surpris. Toi et moi, je pense qu'on pensait que Swick aurait remporté ce combat-là, mais il s'est fait battre assez facilement par Dan Hardy. Alors quand même, George, ce ne sera pas nécessairement si facile que ça. Il va falloir qu'il soit préparé. Et une question en finissant sur Dan Hardy. Quand tu le regardes après le combat, est-ce que tu as l'impression qu'il a de l'air un peu arrogant ou qu'il donnait une coupe de regard à Georges St-Pierre? Georges St-Pierre ne rentre pas dans ce jeu-là. Georges St-Pierre reste bien poli. Mais je pense que Dan Hardy aurait aimé ça, avoir une petite confrontation avec Georges St-Pierre. Justement, avant le combat d'hier, Dan Hardy a eu des déclarations intéressantes où il disait que lui était un combattant et que Georges St-Pierre était juste un athlète. Moi, quand je vois Dan Hardy, je vois pas méchamment, là, mais je vois un petit fendant devant moi. Là. Alors, je dois admettre que Georges St-Pierre pourrait bien le replacer, puis ça me ferait plaisir. Ouais, mais ça prend tout le temps des gens qui aiment parler pour alimenter un peu les confrontations. Je peux comprendre ça. C'est important également. Ça mettre un peu d'animosité. Puis aussi, je pense, après une victoire, c'est possible que tu penses que tu es invincible, puis tu as tellement d'émotions que tu perds un peu la tête. Mais Dan Hardy, je pense qu'il le fait quand même de manière raisonnable. Mais Georges, on le connaît, toujours très humble. Il s'est pas mêlé de ça. Puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi il est monté dans l'octogone. J'imagine que c'était une recommandation de l'équipe du UFC pour faire en sorte de mettre un peu d'huile sur le feu et de créer quelque chose pour leur duel qui devrait se faire dans les prochains mois. Mais Georges est allé là, puis il n'a pas fait grand-chose, puis ça n'a pas servi nécessairement à alimenter une possible éventuelle confrontation entre les deux gars. Ouais, mais tu vois, moi j'aime beaucoup ça de Georges St-Pierre. Je trouve que ça montre que il y a rien qui va l'affecter. Georges a un plan de match. C'est un professionnel. Les émotions prendront pas le dessus. Et je vais en revenir à dire que c'est une des raisons pourquoi je le mets numéro un livre pour livre. Je sais que cette semaine sur MMANouvelle.com, il y en a qui ont mis dans les commentaires que je devrais enlever Georges St-Pierre de numéro un livre pour livre. et mettre Fedor. Fedor a sa place, c'est sûr, mais moi, personnellement, je suis vraiment un très grand amateur de tout cet aspect mental-là de Georges St-Pierre, que je pense qu'il est rendu à un point dans sa carrière où les petits à côté ne l'affecteront pas. Alors, j'aime beaucoup savoir ça de lui. Oui, après ça, il y avait un autre combat assez intéressant. Un Anglais, encore une fois, qui était là sur la carte. Il s'agit de Michael Bisping, qui revenait d'une dure défaite encaissée face à Dan Anderson. Il affrontait Dennis Kang, et c'est Bisping qui l'emporte par TKO au deuxième engagement. Et je pense à la grande surprise, Bisping a amené le combat au deuxième engagement, le combat au sol à quelques reprises, et puis c'est grâce à ces mouvements-là qu'il a remporté le combat et qui est allé chercher une belle victoire, et il revient sur le sentier de la victoire pour Michael Bisping. Une belle performance, une entrée spectaculaire, il avait l'air enragé, mais il avait l'air d'un gars qui voulait se convaincre qui avait pas peur, puis que sa défaite face à Dan Anderson ne l'avait pas affecté. Ouais, ben, regarde, faut que je rende crédit à Bisping. Il l'a mérité, il a fait une très belle victoire. Moi, je pense que le premier round avait été à Dennis Kang, mais en même temps, je pense que Bisping s'est remis dans le flow et il n'a pas été trop agressif, mais n'a pas été aussi. Il n'avait pas peur, Bisping, dès le premier round, j'ai vu. Moi, j'ai remarqué, en tout cas. Alors, une très belle performance de Michael Bisping, même si je l'ai souvent dit que c'est pas un de mes préférés. Faut que j'admette que il a eu de l'air fort, et surtout au deuxième round, très agressif. Quand, une fois qu'il a vu son opposant blessé, il a été pour le finish. Alors j'ai été impressionné par comment que Bisping revient après une dure défaite, parce que c'était la plus grosse question que j'avais en tête, voir s'il allait avoir de la nervosité. Et je pense que tranquillement, Bisping va remonter les échelons. Peut-être que Dan Anderson, c'était un trop gros challenge trop vite, tout simplement, pour Bisping. Il est encore jeune, alors on va voir qu'est-ce qui se passe. Oui, il est jeune. Il a quand même 30 ans. Sa force est supposée être debout. Et hier, je pense que Kang, qui n'est pas nécessairement le meilleur combattant debout, là, a réussi à le toucher solidement. Bisping est allé au sol. Kang aurait pu profiter de ce moment-là. Puis il en a profité un peu pour gagner l'engagement. Mais il a pas réussi à lui faire mal au sol, parce que Bisping s'est bien défendu. Même le dos au sol, Kang était dans sa garde. Kang a réussi à se sortir à l'occasion d'aller prendre des positions intéressantes. Même la position montée, des positions de côté, mais Bisping a toujours réussi à ramener sa garde, et Kang n'a pas réussi à lui donner, je pense, un seul coup au sol, vraiment, de solide, de percutant. Et au deuxième engagement, Bisping, je pense, a perdu peut-être un peu confiance en son jeu debout, peut-être un peu comme Georges St-Pierre lorsqu'il est revenu après sa défaite face à Matt Serra. Je pense qu'il craignait peut-être d'échanger debout. C'est une confiance qu'il va devoir aller rechercher. Mais il est pas fou. Et puis Bisping, au deuxième engagement, était plus fort, je pense, physiquement que Kang, plus grand un peu, plus gros, et à quelques occasions, a amené le combat au sol. Et c'est de cette manière-là qu'il est allé chercher une victoire par TKO. Un beau combat, un beau retour pour Michael Bisping. Oui, tu as mentionné son jeu au sol, là. Ça me vient de me revenir en tête que c'est ce que je me disais au premier round, que je m'attendais vraiment pas de ça de Michael Bisping. Il a montré une très belle défensive au sol. Il était sur le dos pendant de longues minutes, et Dennis Kang, justement, n'a jamais vraiment réussi à attaquer, à le mettre en danger vraiment. Alors, faut donner crédit à Bisping pour cet aspect-là aussi, sa défensive au sol, que je pense que pas beaucoup aurait pensé qu'il aurait pu faire aussi bien que ça, là. Il s'est très bien défendu. Bisping montre qu'il continue à s'améliorer, puis faut garder un œil dessus, comme on dit. Oui, mais attention, Dennis Kang, c'est un bon combattant, mais c'est peut-être pas nécessairement le meilleur des 185 livres, là, loin de là. Hier, c'était sa 12e défaite, mais pour Dennis Kang, ses défaites précédentes, c'était face à Alan Belcher dans sa première prestation au UFC, où il avait perdu par guillotine. Avant ça, une défaite dans le tournoi pour l'organisation Dream au Japon en 2008 par étranglement triangulaire contre Gérard Mousasi, Gégard bien sûr. Puis une défaite également face au Japonais, le nouveau venu dans le UFC, Yoshihiro Yakiyama. Ça, c'était en 2007 dans un événement de K1 Heroes. Tout un chaos, c'était en passant. Oui, alors Dennis Kang, c'est un bon combattant, Mais je pense sans plus, puis il a peut-être un peu prouvé hier une belle performance de Dennis Kang. C'est un combattant qui mérite sa place dans une organisation prestigieuse, que ce soit le UFC ou n'importe quelle autre organisation là, d'envergure. Mais je pense pas que il y a de la graine de champion éventuellement, malgré qu'il n'est pas encore si vieux que ça. Il n'a que 32 ans, beaucoup d'expérience, mais il n'est peut-être pas assez incisif de quelque manière que ce soit, là. Il est bon au sol, très bon au sol, il est bon debout, mais il n'y a pas une facette là, nécessairement assez puissante. Il est bon dans tout, mais pas excellent dans aucune phase du combat. Ouais, ben il y a une couple d'affaires que je regarde avec ça. Comme tu disais, Bisping était plus gros et je me demande peut-être si Dennis Kang est pas un peu petit à 185 livres. Je sais pas s'il serait capable de descendre à 170 livres. Mais c'est ça, peut-être qu'il est un peu petit pour 185 livres, mais de la même façon aussi, moi j'en reviens souvent à dire que des gars de milieu peloton de même, des Dennis Kang, on a besoin dans les combats. Alors, Dennis Kang va avoir sa place, je pense, encore dans l'UFC pour quelques combats pour sûr. Et des combats intéressants, peut-être pas contre les tops, ça sera peut-être pas contre un Nate Marquardt ou de quoi de même, mais on va le voir contre des combattants de milieu de peloton, des vétérans qui sont peut-être sur la descente ou des jeunes qui sont sur la montée. Alors ça peut offrir des duels intéressants. Ouais, pourquoi pas un Chris Lee Benn, des noms comme ça, là. Mais d'ailleurs, on leur a décerné le combat de la soirée hier pour Kang et Bisping. Puis un 40 000 $ qui accompagnait cet honneur-là, en plus. Un peu plus rapidement pour les autres combats, Matt Brown face à James Wilkes. Ça, c'est un autre des combats qui était présenté soit sur Spike TV, soit également sur Sportsnet. En France, je pense que c'est RTL, si je me trompe pas. Alors, vous avez probablement assisté à ce combat-là. Brown face à Wilkes. Et c'est Brown qui l'emporte par TKO au troisième engagement à 2 minutes 23 dans un combat qui a été spectaculaire. Deux gars qui avaient beaucoup de cœur, qui sont échangés coup pour coup. Brown a réussi à lui placer un coup de genou sauté là, en pleine face de Wilkes. Ça lui a fait mal. Puis debout, je pense, Brown a réussi à faire mal à Wilkes à plusieurs reprises. Au sol également, lui a donné des bons coups. Wilkes a réussi quelques belles manœuvres au sol également. Mais Brown a eu l'ascendant sur son adversaire pendant tout le long du combat. Sauf à la toute fin, au troisième engagement, Wilkes a placé une Kimura là, qui a failli quand même surprendre Matt Brown. Brown s'en est sorti, mais après ça, je pense à l'adrénaline que ça lui a procuré là, cette sortie de Kimura-là. Il a fait en sorte qu'il a terminé le combat au sol avec beaucoup de puissance dans ses frappes. Et Wilkes perd au troisième engagement, encore une fois, par TKO. Alors, Wilkes, maintenant, c'est une troisième défaite. Il a 6 victoires. Et pour Matt Brown, qui est âgé de 28 ans, bien, il va chercher une 11e victoire, lui qui a 7 défaites à sa fiche. Oui, ben je pense que tu l'as très bien décrit le combat. Les deux ont donné tout ce qu'il y avait, puis c'était excitant à voir. Moi, personnellement, j'ai trouvé que peut-être les techniques étaient un peu manquaient un peu de qualité. On avait surtout debout, je trouve que le combat était pas ce qu'il y a de plus beau. Mais les deux ont donné tout ce qu'il y avait, alors c'était excitant à voir. Et faut donner crédit à ces deux gars-là qui ont montré beaucoup de cœur. Oui, alors fabuleux. Maintenant, Ross Pearson face à Aaron Riley. Riley, on a vu Greg Jackson dans son coin, alors que Pearson, c'est un Anglais assez jeune de 25 ans. Ceinture noire en taekwondo, ceinture noire en judo. Également, une bonne musculature. Riley a beaucoup d'expérience, mais toutefois, c'est quand même Ross Pearson qui était allé chercher la victoire. C'était une 10e en carrière. Il a 3 défaites, alors que Aaron Riley a subi sa 12e défaite, lui qui a 28 victoires. Oui, je t'en parlais un petit peu avant qu'on commence. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Ross Pearson. Peut-être pas au point de dire que c'est un top 10 à 155 livres, mais je vais dire que je vais garder un œil sur son prochain combat, même si c'était contre quelqu'un de pas bien ben connu hier. Je dois admettre que j'ai beaucoup aimé son stand-up. Il a montré des belles combinaisons et tout. Alors, je vais garder un œil sur Ross Pearson. Pas que je m'attends à ce qu'il soit champion un jour, mais il a attiré mon œil hier. Oui, bon combat pour Ross Pearson dans la catégorie des 155 livres. Par la suite, Terry Etsim était également là. pour affronter Shannon Gogarty. C'est Etim qui l'emporte par guillotine. Ça s'est fait à 1 minute 24 du deuxième round. John Attaway, tant qu'à lui, a défait Paul Taylor, l'anglais, par décision unanime, 30-26 pour chacun des juges. Nick Hubzibzak défait Matt Riddle par TKO à 3 minutes 52 du troisième engagement. Dennis Severn, lui, a défait Paul Kelly, un autre anglais, par TKO également au deuxième engagement. Et ça lui a mérité à Dennis Severn le KO de la soirée. Alors que Terry Etim, que je vous ai parlé précédemment, tant qu'à lui également, était chercher un bonus, mais ça c'était pour sa guillotine, pour la soumission de la soirée. Alexander Gustafsson a défait Jared Amman. Dans le cas de Gustafsson, c'est un Suédois, je pense, pour pas vous dire n'importe quoi, là. C'est un grand Suédois de 6 pieds et 5 qui est allé chercher sa 9e victoire hier pour Gustafsson, alors qu'il n'a aucune défaite jusqu'à maintenant à sa fiche, et une victoire assez expéditive puisque ça s'est fait à 41 secondes du premier round. Et André Wenner, tant qu'à lui, est allé chercher une 10e victoire. Alors l'Anglais, qui n'a que 3 défaites, a réussi à vaincre Rowley Delgado, qui lui a dû s'incliner par KO à 3 minutes 22 du premier round. Alors, c'était pas la plus belle des cartes que le UFC nous a préparées hier, honnêtement. Mais les trois combats principaux furent, somme toute, relativement intéressants, mais encore là, pas plus spectaculaire que ça. Le combat de couture face à Vera, on se le cachera pas, là. Si, je pense, on a envie de voir une revanche entre Machida et Roy, je pense pas qu'il y a personne qui aimerait revoir le combat couture face à Vera. Même si le combat était assez serré, puis que la décision est un peu surprenante des trois juges, surtout une décision unanime, là, c'est très surprenant. Mais je pense pas qu'on a envie, vous et moi, de revoir un affrontement entre les deux gars. Non, c'était pas le plus grand gala, mais je vais m'abstenir un peu de critique simplement parce qu'il était présenté gratuitement. Je vais regarder d'un œil le gala de la semaine prochaine, sauf l'UFC 106, qui a plusieurs combats intéressants, mais qui me semble qu'il manque un gros combat. J'aime bien Ortiz contre Griffin, là, mais c'est justement la semaine prochaine, il faut qu'on sorte nos portefeuilles pour dépenser de l'argent sur une carte qui m'a l'air un peu similaire à l'UFC 105. Ah. Alors, si jamais j'ai des critiques, on verra la semaine prochaine, peut-être qu'ils seront plus fortes. Oui, ben on va regarder ça tantôt, justement, la carte du UFC 106, que moi, je trouve plutôt très intéressante. Alors, on aura l'occasion de s'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Mais avant, on va compléter les résultats de la semaine, puisqu'il y avait un événement ici au Québec, dont on voyait un retour de Steve Vigneault à la compétition, lui qui n'a pas combattu depuis sa défaite face à Mike Swick au UFC, ça c'était en 2006. Alors, un beau retour pour Steve Vigneault, puisqu'il est allé chercher une victoire par TKO à 4 minutes 03 du premier round. Puis je dois dire que j'ai pas vu l'événement, là. Je me suis pas déplacé. Alors, mais quand même, très content d'apprendre que Vigneault a remporté son duel face à Dan Chambers, qui est un gars avec beaucoup d'expérience, là, qui a débuté sa carrière après le départ de Vigneault en 2006, mais a quand même réussi en moins de 3 ans. Chambers a disputé 26 combats, et hier, c'était sa 13e défaite, lui qui a 13 victoires, alors que Steve Vigneault a réussi à aller chercher une 12e victoire, lui qui a 6 défaites à sa fiche. Guillaume Lamarche, tant qu'à lui, a réussi à vaincre Tim Tamaki. Tamaki, c'était son 2e combat dans quelques semaines, puisqu'à la MFL, une nouvelle organisation québécoise, Tamaki s'est incliné également face à Thierry Kenville. Kenville était nettement trop fort pour Tamaki. Puis hier, ben, encore une fois, Tamaki s'est fait battre, cette fois-ci par Guillaume Lamarche, par étranglement triangulaire à 4 minutes du premier round. Réjean Groulx, un cas de Drummondville, puisque l'événement était à Drummondville, à l'hôtel Best Western Universel de Drummondville. Mais Réjean Groulx a réussi à battre le gars de Victoriaville, Tommy Parizeau, de la famille Parizeau. On sait que deux autres de ses frères également sont des combattants professionnels de MMA et ils s'entraînent avec l'équipe de Steve Claveau. Eh bien, Parizeau, lui, a perdu par étranglement arrière au premier engagement. Mike Ritchie, du Tristar, qui s'entraîne avec Georges Saint-Pierre et tous les gars du Tristar. Donc, on le voit un bel avenir pour lui. Il a réussi à remporter son combat, lui aussi, mais par décision dans le cas de Mike Ritchie. C'est donc une 5e victoire en carrière pour Richie, lui qui n'a qu'une seule, qui n'a aucune défaite plutôt, alors que Jordan Mayne, maintenant une fiche de 11 victoires et 6 défaites, et c'est un gars qui vient de l'Alberta. John McDessie, également du Tristar, a remporté son combat lui aussi contre Brandon MacArthur par TKO. L'arbitre a arrêté le combat après le premier round suite à une coupure. Piero Marcoux qui a réussi à battre Nicolas Paparizzo dans un autre duel Drummondville face à Victoriaville. L'équipe de Yannick Bergeron de Drummondville contre l'équipe de Steve Claveau de Victoriaville. Il y a un peu d'animosité entre les deux clans, mais pour une deuxième fois lors de cette soirée-là, ben, c'est encore le cas de Drummondville qui l'emporte. Marcoux par étranglement triangulaire au deuxième engagement. Alors, Marcoux fait très bien. Je sais qu'à son dernier duel, je pense, à la MFL, il avait également tenté plusieurs tentatives de soumission, mais n'avait jamais réussi à vraiment finir le combat par cette voie-là. Mais hier, il y est parvenu. Je pense qu'il y a un peu plus d'expérience au sol. Et Piero Marcoux, là, vraiment, démontre d'excellentes qualités au sol. Il y a également Joey Gambino. Je pense que c'est ça son nom, là, Gambino. On en avait parlé un peu la semaine passée. Mais lui a remporté son combat pour, j'imagine, c'est un New Yorkais, mais on devine des origines italiennes. Je sais en lire son nom. Alors, lui, il remporte son combat face à Sébastien Hamel, puisque c'est Chris Boisvert, je pense qu'il devait y être, mais lui, étant blessé, c'est Hamel qui l'a remplacé. Alors ça s'est terminé à 30 secondes du premier engagement en faveur de Joey Gambino. Éric Dumaine qui bat Michael Pellerin également au premier engagement. Et Louis-Philippe Gauthier qui remporte son duel face à Jérémy Gagnon. Dans le cas de Gauthier, je pense que c'était son premier combat professionnel. Alors un autre événement, Ringside, c'était leur quatrième qui s'est déroulé à Drummondville hier. Là-dessus, je pense que ça termine notre bloc résultats. On vous invite toujours à participer en grand nombre. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'importe quoi, radio à commercial mmenouvelles.com et également dans les commentaires, également si vous êtes sur le site mmenouvelles.com, on lit toujours tous les commentaires. C'est toujours très intéressant de vous lire et d'essayer de s'améliorer également suite à vos commentaires. Et également, je pense que plusieurs ont probablement encore hâte de voir qu'est-ce que leurs résultats ont donné dans le jeu de paris virtuel. Fred, penses-tu que ça a été bon pour toi qui es le bookmaker? Non, à date, ça va pas très bien depuis le début. Les résultats vont être mis au courant de l'après-midi et on va pouvoir voir qui a fait bien cette semaine. Mais je vais te dire tout de suite, moi, j'ai sûrement pas bien fait parce que je m'attendais à une victoire de Dennis King. Alors, j'ai accepté beaucoup de paris du côté de Michael Bisping. C'est-tu vrai? Oui, ben, je m'attendais à une victoire de Dennis King. Moi, je te l'ai dit, je suis pas un amateur de Michael Bisping et je me suis fait avoir. Moi, ça s'est bien passé. Ben, évidemment, j'avais pensé que Swick avait remporté son combat. Et lorsque j'ai vu, j'attendais la décision des juges suite au combat de couture, ben là, j'étais catastrophé. J'étais sûr que la décision allait en faveur de Brandon Vera. C'est un peu injuste face à Vera. Mais je suis un peu content quand même que les juges ont donné la décision à Randy Couture, le bon vieux pépère, là, presque ben, un quadragénaire avancé, qui a bien performé hier dans un combat pas très enlevant. Mais je pense pas que c'est dû à son âge. C'est parce que bon, les styles des deux combattants ont fait en sorte que ça donnait ce résultat-là. Mais souvenez-vous du dernier duel de Couture face à Nogueira. Ça avait été un combat, en tout cas pour moi, que j'avais trouvé tout à fait spectaculaire. Alors, peut-être oui, juste, je voulais dire sur Couture. Moi, je mentionne souvent que je pense que certains vétérans, je veux les voir, mais dans certains types de combats. Et je sais qu'on a déjà vu trois fois Liddell contre Couture. Je sais que Couture a déjà battu Tito Ortiz il y a longtemps assez facilement. Mais moi, personnellement, c'est plus le genre de combat que je vois pour Randy Couture ou ce que Randy Couture pourrait être compétitionner là, à un haut niveau. J'ai peur quand on le met contre des jeunes loups comme Brandon Vera, que ce soit justement la motivation que ces jeunes loups-là ont besoin pour monter leur cran, leur jeu d'un cran. Et Randy Couture va compétitionner parce qu'il est en excellente forme puis il a des bonnes techniques toutes. Mais veut pas, à un certain moment donné, l'âge va le rattraper. Alors, c'est pour ça que je dis souvent que c'est certains types de combats je voudrais voir Randy Couture. Alors, moi je dirais pas non à un combat, que ce soit contre Tito Ortiz ou si Chuck Liddell reviendrait. C'est le genre de combat que je verrais parfait pour Couture en ce moment. Ouais, mais je pense pas que c'est le genre de défi qui l'intéresse tant que ça, parce que Couture, ça m'étonnerait qu'il soit revenu pour l'argent. Ce qu'il aime, c'est la compétition, puis il aime compétitionner, mais pour de vrai. Et je pense que lui, son objectif, il a vraiment l'impression qu'il peut aller rechercher une ceinture. Écoutez, c'est un excellent lutteur qui a jamais mal paru, même dans sa défaite face à Brock Lesnar, même sa défaite face à Nogueira, il a bien fait. Je pense que Couture est tout le temps dangereux. Puis, je vais peut-être vous en surprendre quelques-uns, mais Couture face à Anderson Silva, ce serait pas si facile que ça pour Anderson Silva. Non, c'est sûr, parce que Couture trouve toujours justement les bons plans de match. Mais je pense qu'à long terme, c'est l'âge qui va. Parce que Couture est tellement intelligent, t'as raison. Que ça soit même contre Machida, je suis sûr que Couture réussirait à trouver des bons angles pour attaquer Machida. Parce qu'on voit que Machida est le genre qui veut un combattant agressif. Puis Couture sera pas si agressif que ça. Il risque de trouver les bons angles. Alors même contre Machida, ça pourrait être un combat intéressant. C'est juste qu'à un certain point, je pense que l'âge va le rattraper. Oui, alors là-dessus, petite pause, on reprend notre souffle. J'ai un peu de difficulté, il me semble, il manque d'élan là, dans ma gorge. J'ai été trop étranglé cette semaine. Ta femme t'a gardé debout toute la nuit ou quoi là? Non, j'ai le gargoton souffrant. Alors, petite pause, Fred, puis toi aussi, je pense que tu reviens d'une dure journée. Alors, on se reparle évidemment avec plein d'autres sujets par la suite, carte de la WEC, du UFC, il y a plein d'autres choses à parler avec vous. Alors, de retour dans quelques instants. Est-ce que vous aimez les corps élancés? Vous êtes homosexuel, vous êtes hétérosexuel, il n'y a pas de problème ici. Vous êtes dans la voie des guerriers, on est ouvert à tous. Les hybrides, les hermaphrodites, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de faire ça entre adultes consentants et entre adultes du genre humain également. Mais sinon, là, vraiment, on est content d'être avec vous pour vous parler du sport le plus spectaculaire, du sport le plus complet. On a rassemblé tous les sports de combat et on n'en a fait qu'un seul avec ça. C'est de ça qu'on vous parle à chaque émission de La Voix des guerriers. Et avant de poursuivre avec Fred et toutes les potins et nouvelles de la semaine, j'ai oublié de vous mentionner quelques chiffres à propos du UFC 105 qui s'est déroulé à Manchester, en Angleterre, hier. Bon, entre autres, près de 17 000 personnes étaient là, en fait 16 693 personnes plus exactement, à moins qu'il y ait d'autres chiffres là, qui vont être un peu plus précis dans les prochains jours qui vont sortir, mais les chiffres qu'on a trouvés jusqu'à maintenant, c'est 16 693 spectateurs qui étaient là dans l'aréna à Manchester, alors c'est quand même un bon nombre d'amateurs pour une carte plutôt... correct, mais même, je dirais, beaucoup plus faible qu'à l'habitude de ce que le UFC nous présente. Alors, ça a bien fonctionné. Et les bonus, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vous les redis, c'est 40 000 $ pour Bisping et Kang qui ont remporté ça grâce au combat de la soirée. 40 000 également pour Dennis Sever, qui lui a réussi le KO de la soirée. Pour Terry et Tim, il a remporté 40 000 $ pour la soumission de la soirée. Maintenant, Fred, l'homme nouvelle, vous voulez savoir ce que vous devez savoir si vous êtes un vrai amateur de MMA? Eh bien, on passe la parole à Fred, l'homme nouvelle Garcia, qui va nous entretenir de tout ce qui se passe au UFC ou dans d'autres organisations. Ce qu'il y a à savoir, c'est Fred qui nous le dit, puis on l'écoute. Ouais, ben pour commencer, je veux dire, j'étais un peu déçu qu'il n'y a pas de bonus pour la meilleure émission de radio MMA francophone. Je m'attendais à mon 40 000, là, mais sinon, je vais te parler de Antonio Rodrigo Nogueira, qui est un de tes préférés, qui finalement pourra pas se battre à l'UFC 108. C'est une nouvelle qui nous arrive hier soir. Je pense que Dana White a déclaré ça en conférence de presse, et ce matin, on peut en lire. Antonio Rodrigo Nogueira aurait un staph infection qui, d'après ce que je peux comprendre, est une genre d'infection de la peau, ce qui a beaucoup de pu. c'est ça, il pourra pas revenir tout de suite pour combattre contre Cain Velasquez à l'UFC 108, ce qui cause beaucoup de problèmes à l'UFC, comme on a mentionné un petit peu tantôt. Là, l'UFC se retrouve avec bien des pay-per-views, ce que je trouve que... Il manque des gros combats là, pour pouvoir avoir des gros chiffres de vente. En tout cas, s'ils veulent réussir à en vendre beaucoup, il va falloir qu'ils remplissent ces cartes de combat-là un peu mieux. Là. Eh oui, ben c'est vrai que moi, cette blessure-là à Nogueira, je trouve ça dommage. J'appréhendais ce duel-là entre Velasquez et Nogueira. Est-ce que Velasquez aurait tenté, comme il le fait habituellement, d'amener son opposant au sol? Alors, sachant très bien que Nogueira est un maître en soumission, puis que dos au sol, il est quand même tout de même confortable. Mais cette carte-là, je pense que c'était pour le UFC 108, hein? C'est bien ça que tu nous dis, Fred? Oui, exactement. UFC 108, qui était supposé avoir Anderson Silva et Vitor Belfort. Après ça, on parlait de Shane Carwin et Brock Lesnar, dont on va parler juste après. Et là, c'est le troisième main event qui se fait canceller pour cette UFC-là. Alors, l'UFC 108 commence à avoir des problèmes. J'espère que ceux qui ont acheté des billets, je sais pas si les billets sont en vente, à vrai dire, déjà, mais ils doivent avoir hâte de savoir c'est quoi le combat. Oui, ben ça, c'est pour lancer l'année 2010. En plus, c'est le 2 janvier. Ce sera à Las Vegas. Il y a toujours Evans face à Thiago Silva qui reste là pour l'instant. Gonzaga face à Dos Santos. Mais effectivement, sinon, le reste de la carte est plutôt ordinaire. Là. Et ça manque un peu de viande sous l'os, mais c'est un peu dommage, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le genre de sport où on doit s'attendre à ce qu'il y ait quelques blessures, ça, c'est pas surprenant, hein? Ouais, ben justement, Dana White, quand il parlait hier soir, parce que il y a aussi Brock Lesnar qui... l'histoire semble un peu floue, moi je me suis réveillé en lisant ça ce matin, où ce que... Selon ce que je peux comprendre, Brock Lesnar aurait eu un certain malaise pendant un voyage au Canada et on l'aurait amené d'urgence, si on veut, à l'hôpital, dans un hôpital du nord du Dakota. Alors, Dana White a simplement dit que Brock Lesnar était en mauvais état. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est flou. On ne le sait pas pour le moment. Il va falloir garder un œil là-dessus parce que White a aussi dit que Lesnar serait pas de retour pour un certain temps. Alors, comme on dit, très flou. Il va falloir garder un œil à savoir qu'est-ce qui se passe avec le champion pour poids lourd. Oui, ça c'est à suivre parce que évidemment, si ça doit durer, s'étirer un peu cette période de convalescence là, bien, on devra décerner un titre intérimaire ou faire en sorte qu'il y ait un duel pour le titre intérimaire. Ça pourrait être intéressant également de voir à qui aurait cette chance-là. Oui, ben le manque d'informations concernant l'état de Brock Lesnar cause ça un peu, là. Si on saurait qu'est-ce qui se passe, on parlerait pas de ça, mais là, vu qu'on nous donne l'idée que Brock Lesnar pourrait être parti pour longtemps, je pense que l'idée d'un titre intérimaire va arriver assez vite. Si on passait peut-être à une autre histoire, Ken, qui nous touche plus localement ici au Québec, là, et Georges St-Pierre qui parle des Olympiques, on a glissé un mot tantôt. Toi, comment tu prends ça, cette histoire-là? Ben, c'est pas une mauvaise chose. Je pense que ça peut être bon pour le sport et également pour la crédibilité du MMA au Québec, entre autres, ouvrir des yeux qui, pour l'instant, il y a peut-être des gens qui trouvent encore que c'est un sport barbare. Je pense de voir Georges St-Pierre, qui est un athlète incroyable, ben, ça va pouvoir faire en sorte que les gens vont comprendre que c'est pas un sport de barbare, mais qu'il y a beaucoup de technique. Oui, puis je pense aussi que Dana White, d'habitude, qui n'est pas bien ben amateur de voir ses athlètes faire d'autres choses que du MMA, le prend un peu différemment. On dirait qu'il donne son approbation pour le moment à GSP. Et je trouve que c'est normal parce qu'on voit souvent aussi des gars de MMA participer au championnat Abu Dhabi et différentes compétitions de grappling et tout. Alors, GSP qui participerait aux Olympiques, ça serait bon en même temps si on veut. Il continue à pratiquer ses techniques là, de combat. Alors, ça pourrait attirer des œils mondialement et ça pourrait être juste excellent. Moi, je pense que GSP aussi, tout court, je suis pas assez connaisseur en lutte olympique, mais on entend souvent dire que GSP pourrait participer aux Olympiques, il s'entraîne déjà avec l'équipe canadienne et qui est déjà à niveau, si on veut, presque. Il y avait eu des rumeurs en 2008 que peut-être il allait participer. Alors, ça peut être très intéressant. Moi, j'espère qu'on le voit GSP participer. Oui, ben je pense qu'il voulait faire les essais en 2008, mais on avait devancé un combat puisque Matt Serra était blessé. Bon, à la place, Saint-Pierre avait eu la chance d'avoir, je pense, à ce moment-là, je pense que c'était le titre intérimaire face à Matt Hughes. C'est peut-être pour ça qu'il n'avait pas fait les essais olympiques. Évidemment, c'est un excellent lutteur en MMA. Est-ce que c'est nécessairement en lutte olympique? C'est pas la même chose parce que là, dans un combat de MMA, évidemment. Il y a tellement de choses qui sont différentes là, qui font en sorte que Georges St-Pierre, bon, c'est le timing également qui fait sa force en lutte, mais là, face à un lutteur, évidemment, le lutteur, t'sais, son adversaire va savoir ce que Georges peut faire. Il ne pourra pas le surprendre, alors qu'en MMA, Georges peut surprendre son adversaire en envoyant un jab, puis en lui rentrant au corps, puis l'amenant au sol. Là, ça va être complètement différent. C'est vraiment pas le même sport. Est-ce qu'il y a vraiment les qualités athlétiques, je pense, pour performer dans à peu près tous les sports, Georges St-Pierre? Mais ça va être difficile. Je pense que j'ai hâte de voir ça. Ça va nous donner vraiment. Parce qu'on a vu ça souvent, des athlètes olympiques se convertir en MMA. Mais là, ce sera un peu le contraire. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Oui, ben moi, ce que j'aimerais beaucoup voir, c'est Georges St-Pierre revenir avec une médaille d'or en lutte olympique et aller voir Matt Hughes. Ça pourrait donner une belle scène. Ouais. Mais j'espère que Georges va rester toujours affamé de MMA. Moi, c'est la crainte que j'ai, parce qu'évidemment, là, c'est un sport de fou quand même, le MMA, là. Vous et moi, peut-être qu'on aime bien ça le regarder, mais être dans l'octogone, ce serait sûrement moins agréable, là. Puis même si tu es le meilleur ou un des meilleurs au monde, comme Georges l'est présentement, tu te sors pas d'un combat sans quelques petites blessures. Puis à la longue, ces blessures-là, s'aggravent et s'aggravent. Puis bon, même si Randy Couture là, performe encore à 46 ans de manière remarquable, quand même, il y a toujours un risque, il y a toujours un danger. Puis peut-être également qu'à 60, 70 ans, Il y a des genoux qui vont être un peu moins solides, puis des hanches également en plastique, puis que ça va pas nécessairement leur donner un niveau de vie comme vous et moi, qui ont beaucoup de plaisir à le regarder, mais on le pratique pas nécessairement de la manière que eux le font. Ouais, ben tu vois, moi, ça a été ma réaction originale, moi, à cette histoire-là, où je me suis dit que j'aimais pas plus ça que ça, que Georges St-Pierre voudrait tenter ça. Moi, j'aime mieux qu'il se concentre complètement au MMA. Mais avec un peu de recul, puis en lisant les différents articles, je finis par me dire que c'est peut-être pas bien, bien différent que s'il participerait dans une compétition de grappling ou quelque chose. Et si c'est quelque chose qu'il désire en tant qu'athlète accomplir, ben moi je le supporte complètement et j'y souhaite la meilleure des chances. Oui, et souvenez-vous, au Japon, c'est Kid, son vrai nom, je pense, c'est Norifumi Yamamoto, Kid Yamamoto, qui avait tenté, je pense, de faire ces essais-là olympiques, parce que son père, je pense, c'était un Olympien en lutte également. En tous les cas, il y avait une histoire derrière ça, puis il voulait absolument les faire. Il s'était absenté un peu du MMA japonais pour tenter de faire les essais, mais s'était blessé gravement un coude et depuis n'est jamais vraiment revenu le même. A pas eu beaucoup d'insuccès depuis son retour. A subi une défaite surprise face à Warren. C'est-tu Jeff Warren? En tout cas, une défaite surprise face à un dénommé Warren qui en était, je pense, à son premier ou à son deuxième combat professionnel en MMA, qui lui aussi était un lutteur. Alors, oui, c'est moins sauvage la lutte olympique, mais il y a quand même c'est beaucoup d'efforts physiques. Puis c'est pas juste, je pense pas que tu peux te présenter là comme ça, faire les essais puis avoir du succès. Il faut vraiment que tu te concentres uniquement là-dedans. Puis nul doute que Georges devra délaisser un petit peu les autres aspects du MMA pendant un certain temps. Oui, c'est sûr. Si on passait à un autre vétéran, j'ai glissé un mot sur Matthews. Il y avait des rumeurs cette semaine que Matthews affronterait un Gracie, Renzo Gracie, mais finalement Renzo a un peu calmé les rumeurs en disant que ça serait pas pour tout de suite, qu'en ce moment il s'occupait de préparer son cousin Rose, qui a un combat, il me semble, à l'UFC 109 ou 110 contre Mustapha Al-Turk. Alors Renzo Gracie pourrait effectuer un retour. On ne l'a pas vu depuis qu'il y avait remporter une victoire contre Frank Shamrock, mais c'était une victoire à cause d'une disqualification. Alors, Renzo Gracie, qui n'a pas combattu depuis 2007, pourrait revenir contre Matthews. Et je pense que ça revient un peu à ce que je dis pour les vétérans, de les mettre dans des combats là, qui peuvent être à leur portée. Parce que Matthews, on dirait, d'après les rumeurs et tout, aurait refusé d'affronter Swick, aurait refusé d'affronter Koscheck. Alors, on voit que Matthews est peut-être à un point dans sa carrière où ce qu'il veut affronter juste un certain genre d'opposant. Oui, ouais, c'est ça. Puis Hughes s'est débarrassé assez facilement de Royce Gracie. Puis là, bon, Renzo, il est bien beau, il est bien fin. C'est probablement un excellent instructeur. Lui qui a les frères Rose et Gregor Gracie sous sa tutelle. Ricardo Almeida, je pense Matt Serra également s'entraîne avec Renzo. C'est un gars solide au sol, Renzo, mais bon. Pas plus que ça, là. C'est pas un combat nécessairement, moi, que j'attends avec impatience, honnêtement. Puis j'aime bien Renzo Gracie. Mais honnêtement, là, Matthew, s'il veut pas se frotter aux jeunes loups de cette division, mais qu'il reste chez eux, là, s'il veut des combats faciles, il jouera aux échecs avec ses enfants chez eux. Ouais, ben, tu vois, regarde, je pense que c'est ça justement. Matthews est à un point où ce que on peut questionner son vouloir de vraiment compétitionner à un niveau top, mais de la même façon, le gars, il veut encore combattre. Alors, c'est sûr, pour les amateurs, ça nous met un peu bouche bée, si on veut. On sait pas trop où se placer là-dedans. Mais d'une autre façon, je peux comprendre que Matthews veut encore avoir une partie du gâteau sans se donner à 100%. Là, c'est une situation, si on veut, un peu bizarre, là. Oui, puis c'est vrai que les Américains l'aiment bien. Il a un bon nom. Ça a été l'un des, ou sinon le champion qui a eu le plus de succès dans le UFC, dans la carrière des 170 livres. Il a dominé longtemps. Il a encore un nom crédible. Il a encore une certaine notoriété autour de Matthews. Puis il y a encore de l'argent à aller faire. Alors, il serait peut-être fou de pas aller se servir dans la jarre en bonbons, puis d'aller chercher quelques billets verts pour ses vieux jours. Ouais. On va peut-être passer à une petite nouvelle rapide. Sean Sherk, qui avait perdu son dernier combat contre Frankie Edgar, plusieurs avaient été surpris à ce moment-là. Moi, j'avais été très impressionné en passant par Frankie Edgar. À partir de ce point-là, j'ai bien aimé ce que je vois de Frankie Edgar. J'ai hâte de voir aussi ses prochains combats. Mais Chanchuk, lui, va affronter Rafaelo Oliveira à l'UFC 108. Oliveira, on l'a vu à l'UFC 103, il a perdu contre Nick Lentz. Puis je t'en avais mentionné un petit mot que j'avais bien aimé, son Muay Thai que j'avais vu. C'est sûr, c'est pas un gros combattant, mais je pense que c'est un duel quand même intéressant, mais que je vois Shirk va sûrement utiliser sa lutte et sa force pour contrôler Oliveira. Mais ça va être un combat quand même intéressant à 155 livres. Là, Shirk a besoin d'une victoire, c'est sûr. Oui, effectivement. Puis tu nous parles d'Oliveira qui a subi deux défaites jusqu'à maintenant. Tu nous as dit que l'une d'elles, c'était face à Nick Lenz. L'autre, c'était face à Lyle Burboom, dont tu nous as également parlé la semaine passée, qui, lui, combat pour l'organisation Strike Force. Oui, exactement. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Non, vas-y, Fred. Ah, ben, j'allais dire, on va passer à l'Ultimate Fighter. Je suis pas sûr si t'as eu la chance de le regarder, toi, l'Ultimate Fighter. Non, j'ai pas regardé l'émission en tant que telle, mais j'ai vu le combat de Roy Nelson face à un autre gars à peu près du même gabarit, là, dont j'ai oublié le nom. Oui, Justin Wren, c'est un bon jeune que j'aimais bien. Malheureusement, comme la plupart des gars dans cette saison-là, Justin Wren a semblé manquer de gaz. Et Roy Nelson, je veux le mentionner pour un gros soulier, a montré un bon cardio dans son combat. Je trouvais ça m'a fait sourire. Roy Nelson a remporté la victoire. C'était un peu serré parce que le premier round aurait pu aller facilement à Justin Wren. Et Justin Wren est sorti en lion avec des beaux coups, des belles attaques. Je pense qu'ils ont surpris Roy Nelson, mais justement, il a perdu tout son gaz assez vite, Justin Wren. Et par la suite, Roy Nelson s'est amusé à décortiquer. Moi, j'aime bien utiliser ce mot-là, avec plusieurs coups de poing puis tout. Alors, Roy Nelson a remporté une victoire par décision. Moi, j'aurais aimé ça voir un troisième round, malgré que Justin Wren n'avait pas l'énergie sûrement pour faire un troisième round, là. Mais Roy Nelson, mon choix du début, il continue à bien faire. Puis moi, j'aime surtout le fait qu'il semble attirer le mauvais côté de Dana White. Alors, je continue à prendre pour Roy Nelson d'ici la fin. Oui, alors tout ça pour Roy Nelson. Il reste combien de temps cette série-là? Là? Ça doit se terminer bientôt. Ben, regarde, laisse-moi calculer vite parce que le gala Ultimate Fighter est le 5 décembre. Et là, on a trois émissions à faire. Ce qui me laisse un peu pas comprendre parce qu'il reste trois quarts de finale et deux combats demi-finale. Alors, j'imagine qu'on va avoir des émissions avec plus qu'un combat dans les prochaines semaines, ce qui va juste améliorer le spectacle sûrement, là. Oui, alors on a bien hâte que tout ça se termine. En tout cas, dans mon cas, là, je sais pas pour vous autres, là, honnêtement, je suis pas amoureux de cette émission-là. Oui, ben l'émission en tant que telle, comme je l'ai dit souvent, là, on a souvent le droit à des scènes, si on veut que je me dise que c'est pas mal truqué d'avance, là, qu'il y a un scripteur qui a écrit ça, si on veut, comme les scènes où ce que Rampage, cette semaine, a mis des coques dans l'auto de Rashad. Et ouais, c'est ça, je pourrais me passer des agissements, si on veut, un peu enfantins, là, souvent qu'on peut voir. Mais à part de ça, les combats, là, on commence à sortir vraiment ceux qui sont moins bons. Et je pense qu'on va avoir le droit de plus en plus à des bons combats là, d'ici la fin. Malgré que le gagnant de cette saison-là sera sûrement jamais un champion, mais tu sais, si on retourne en arrière dans les différentes saisons, là, il n'y a pas beaucoup de gagnants de l'Ultimate Fighter qui sont des grands combattants aujourd'hui. Là, il y en a qui sont devenus des bons combattants, mais à part Rashad Evans, qui d'autre qui pourrait me venir? Forrest Griffin. Forrest, ouais, OK. Kenny Florian, il y a eu Diego Sanchez, surtout les premières saisons. Hein. Ouais, ben regarde, tu vois, qui sait, cette année, on va peut-être sortir un poids lourd de la trempe de Kenny Florian, là, parce que je pense pas, comme toi aussi tu le dis souvent, Kenny Florian a pas ce qu'il faut peut-être pour être un champion, mais c'est un bon combattant quand même. Alors, c'est le genre de combattant qu'on va sortir. On sortira pas un Forrest Griffin, comme on dit, ou un Rashad Evans, un futur champion, ça je suis pas mal sûr, mais on pourrait sortir quelque chose d'intéressant quand même. Ah, on va voir ça avec les années, Fred. Est-ce qu'il y a d'autres potins ou on passe déjà à la carte de la WEC? Oui, il faudrait juste mentionner que le gala Sengoku du 31 décembre semble. Ah oui. On dirait qu'il va être annulé. À vrai dire, il n'y a rien d'officiel encore là-dessus, mais tout pointe à une annulation. Et on parle que le combat entre Ishii et j'oublie l'autre judoka. Hideko Yoshida. Exactement, pourrait être transféré au gala Dynamite qui est organisé par K1 et Dream en même temps. Alors, va falloir garder un œil là-dessus. C'est pas officiel pour le moment, mais tout semble pointer vers le gala Sengoku qui serait annulé. Ben c'est pas grave. J'espère qu'on va être capable d'unir les forces au Japon et de mettre ce duel-là là, enfin en vedette là, les deux judokas médaillés d'or dans des années différentes, mais quand même médaillés d'or. J'attends ce duel-là avec impatience et l'entrée en MMA de Satoshi Ishii. Ouais, ben si ça peut finir avec une jonction des deux promotions, ça va être excellent selon moi, parce que on avait parlé un peu dans le passé. Moi, j'aimerais bien qu'au Japon, surtout que les deux promotions se joignent ensemble pour tenter de ramener un comme les années du Pride FC où ce qu'il y avait beaucoup d'intérêt au Japon. Si on compare l'intérêt au Japon d'il y a 4-5 ans à aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup plus bas en ce moment. Mais tranquillement, je pense qu'il remonte depuis dans la dernière année, ils ont fait des grands gains au Japon avec Dream qui offre des très, très beaux galas, je pense. Alors, la jonction des deux pourrait aider à la renaissance, si on veut, de l'intérêt du MMA au Japon. Oui, certainement, mon ami. Oh là là, hey, WEC, ça te tente-tu, mon petit Fred? Ouais, aussi bien de passer là-dessus, on n'a pas besoin de pause, nous autres, on travaille fort, on est des machines. WEC, 18 novembre, en milieu de semaine, on y aura droit, ça va se jouer ça à Las Vegas, Nevada. Puis honnêtement, la WEC, je suis je connais pas nécessairement beaucoup de ces combattants, mais Fred, je pense, suit ça de manière un peu plus assidue que moi, puis l'un de ses combattants favoris va en plus faire partie de la carte. Il y aura Mike Brown qui va affronter le favori de Fred, José Aldo, un Brésilien qui s'entraîne avec l'équipe de la Nova Uniayo. Ça, c'est Fabio, Wanyé Fabiano, entre autres. Thales Letes et bien d'autres noms parmi les meilleurs combattants au sol. Et on pense à cette équipe-là, la Nova Uniao. Alors, José Aldo, c'est un noir en jiu-jitsu brésilien, 15 victoires, une seule défaite, avec 8 victoires consécutives pour lui. Ça se déroule très bien. 5 pieds et 7, une portée de 70. Sa défaite en 2005, sa seule défaite d'ailleurs, c'était par étranglement arrière face à Luciano Azevedo. Il a une fiche de 5 victoires, aucune défaite dans la WEC et toutes ses victoires par TKO lorsqu'il a performé dans la WEC, alors que Brown, vous le savez, c'est le champion de la catégorie. Il a défait M. Faber pour aller chercher ce titre-là. Brown était en feu, 5 pieds et 6, il a même porté de José Aldo, 70 pouces, 34 ans, donc un peu plus âgé, 22 victoires, 4 défaites, mais là il est sur une séquence de 10 victoires consécutives, il s'entraîne avec l'American Top Team, lui aussi c'est une bonne équipe, il a été défait par Hermes Franco Jenkins Udo, Joe Lauzon et Masagazu Imanari. Alors bon, dans le cas de Franca, c'est un vétéran du UFC. Junkie Sudo également, c'est un gros nom. Joe Lauzon, c'est pas dénigré également. Alors, Brown n'a jamais perdu contre des jambons. José Aldo, c'est pas un jambon, on en est convaincu. Et toutes ses défaites pour Mike Brown, c'était grâce à des soumissions. Alors, est-ce que José Aldo va réussir à le soumettre? Parce que debout, bon, Brown a affronté de bons cogneurs, puis jusqu'à maintenant, n'a jamais perdu par cette voie-là. Alors, comment tu vois ce combat-là? Évidemment, Fred, on soupçonne que tu vois Aldo gagnant. Oui, ben moi, je l'ai souvent dit, José Aldo, c'est le jeune que je préfère dans le MMA. Son style est tellement explosif et tout. Je vais dire aux amateurs que vous allez recevoir beaucoup d'informations à propos de ce combat-là dans les prochains jours, parce que moi, j'ai l'intention de suivre tout ce qui a attrait à ça. Mike Brown, tu l'as bien dit, c'est un excellent vétéran, très gros, très fort pour 145 livres. C'est justement le point intéressant, parce que une fois qu'on le voit à 155 livres dans l'UFC, tu l'as mentionné, il a connu un peu moins de succès. Et Mike Brown a glissé des mots qu'il pensait peut-être retourner à 155 livres cette semaine. La coupe de poids est assez difficile pour lui. Alors, ça va être intéressant de voir s'il connaît une victoire, qu'est-ce qu'il va faire. Avec ça dit, moi, je vois Jose Aldo, un jeune que dans tous ses combats, il m'a laissé tout simplement bouche bée. Il y a pas d'autre mot à dire. Tous les combats que j'ai vus d'Jose Aldo, l'attaque, l'agressivité et le vouloir, si on veut, le mindset, avoir un plan de match, c'est incroyable dans chacun de ses combats. Alors moi, j'ai extrêmement hâte à mercredi soir voir ce combat-là, Jose Aldo contre Mike Brown. Et comme c'est sûr, je prédis une victoire de Jose Aldo et je la souhaite en tant qu'amateur. Ouais, mais il n'a que 23 ans à le dos, alors que Mike Brown, lui, a 34 ans, solidement implanté, est allé chercher des belles victoires dernièrement, Faber encore, donc et Jeff Curran. Alors, c'est un gars très expérimenté. Brown va pas laisser son titre facilement, je pense. C'est un combat qui est intéressant, ça, puis on vous invite à participer au jeu de paris virtuel. Alors ça, vos mises, là, l'événement s'en vient vite, là, c'est le 18, alors, je pense que c'est mercredi soir. Alors faites ça avant, évidemment, mercredi. Et il y a également le prochain UFC à laquelle vous allez être invité à parier avec une carte intéressante. Alors, bonne chance à tous et à toutes. Oui, ça va venir assez vite. Un autre mot sur Mike Brown que tu dis, il a battu Uriah Faber et Leonard Garcia. Dans ces deux combats-là, si on voit, là, moi je pense que Mike Brown a justement utilisé sa grosseur et s'est imposé contre des gars qui étaient un peu plus petits. Alors, si Mike Brown peut faire ça contre Jose Aldo, je pense que ça va être ça la stratégie qu'il va essayer d'utiliser contre Aldo. Ça va être intéressant à voir, sauf parce qu'Aldo, justement, il n'y a pas personne que j'ai vu réussir à imposer le rythme contre lui. Alors, ça va être intéressant à voir. Un autre combat qui a lieu ce soir-là, c'est Manny Gamborian contre Leonard Garcia. Je sais pas si tu as un intérêt, toi, vers ce combat-là. Moi, j'aime bien ça, parce que c'est deux gars qui ont été dans l'UFC. Je sais pas si tu te rappelles de Leonard Garcia contre Roger Huerta dans une méchante guerre qu'on avait eu droit. Hey, ça me dit absolument rien. Ah ouais, pour vrai, c'est un combat que tu devrais retourner voir. Parce que Leonard Garcia, c'est pas le meilleur combattant, si on veut. Il vient de l'équipe de Greg Jackson au Nouveau-Mexique. Mais c'est un guerrier. Dans son combat contre Mike Brown, sauf qu'il s'est fait mettre KO assez vite. Mais en général, il offre des guerres. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. Et Manny Gamborian, lui, c'est un gars qui a été dans l'UFC. On l'a vu à l'Ultimate Fighter. Et moi, j'ai toujours un faible pour les gars qui ont un background en judo. Parce que mon fils en fait et si on veut, je vais suivre ça un peu plus. Alors, Manny Gamborian, en même temps, moi, j'ai toujours gardé un œil sur lui. Alors, j'ai hâte de voir comment il va agir à 145 livres. Je pense que c'est son deuxième combat pour lui à 145 livres à Manny Gamborian. Et ouais. ça va être un bon combat pour les deux. Honnêtement, là, moi, Gamborian, qui est le cousin de Caro Parisienne, je l'aime pas tant. C'est pas mon combattant préféré. Je préfère de beaucoup son cousin. Il est très petit quand même, Gamborian. Je sais pas s'il dépasse les 4 pieds. Non, ben exactement, là, il descend à 145 livres, ça va l'aider. Mais ouais, non, t'as raison, c'est ça. Dans l'UFC, il était trop petit. Moi, ça revient au fait que j'aime bien les techniques de judo. Je suis toujours intéressé à voir comment ça se traduit dans le MMA, que ce soit avec les Akiyama, avec Ishii à venir, tout ça. C'est un sport que j'ai fait un peu plus jeune et que mon fils fait en ce moment. Alors, j'ai un certain intérêt à voir comment ça peut se traduire dans le MMA. Alors, 9 et 4, c'est l'affiche de Gamborian, qui est d'origine arménienne, je pense. Et Garcia, lui, 13 et 4, qui s'entraîne, comme Fred nous l'a dit, avec l'équipe de Greg Jackson au Nouveau-Mexique. Par la suite, on continue avec le reste de cartes avec Rob McAuliffe, 17 victoires et 5 défaites. Il a 32 ans. Il affronte Karen Darabedian. C'est un Arménien, 8 victoires et 1 défaite. Ce sera sa première expérience dans la WEC. Je ne sais pas si tu connais vraiment les autres combattants, Fred, ou je passe vite. Non, peut-être juste les mentionner vite. Il n'y a pas beaucoup d'autres combats d'intérêt, je trouve, sur cette carte-là, à part les deux combats principaux. Oui, d'ailleurs, je pense que ce sont ces combats-là à laquelle vous êtes invités à parier. Et je vois que Brown et Aldo, il n'y a aucun favori. Là. Les deux ont la même cote, de ce que je comprends, c'est ça? Oui, je l'ai mis en ce moment à égalité. On va voir comment que les crédits ils se font départir. sur qui est qui. Moi, je vois Aldo favori, mais je vais le mettre à égalité en ce moment, vu que Brown est le champion. Oh là là! Ah, on voit un peu de favoritisme. Danny Castillo, lui, il a 8 victoires. Il a seulement qu'une défaite. C'était face à Donald Cerrone. Il affronte Shane Waller, qui a une fiche de 6 victoires et 2 défaites. En sous-carte, on a Kamal Chalorous, un Iranien. Ah! Oh, tiens donc. 3 victoires, aucune défaite, un combat nul. Lui aussi, ça sera son premier combat dans la WEC. Il affronte Will Kerr, 8 victoires et une défaite, et qui en est également à son premier combat dans la WEC. Diego Nunes, 13 victoires, aucune défaite. Parmi ces 13 victoires, seulement que 2 sont allés à la décision. Il a donc terminé 11 de ses autres combats avant la limite. Il a battu, entre autres, Cole Provence et Rafael Diaz. Ça, c'était dans des événements de la WEC. Là, il va affronter Elcy Davis avec une fiche de 14 victoires et 2 défaites. Cobb Swanson, 13 victoires et 3 défaites. Il vient tout juste de perdre d'ailleurs face au favori de Fred, José Aldo. Il affronte John Frankie, 5 victoires, 1 défaite, qui lui aussi revient d'une défaite. C'était face à Manvel Gamborian, qu'on vient tout juste de parler précédemment. Antonio Banuelos, 16 victoires et 5 défaites face au Japonais Kenji Ozawa. 15, 8 et 2 dans la catégorie des 155 livres. Ricardo Lamas, 6 victoires, une défaite. Sa défaite, c'est à son dernier combat. Et c'était face à Danny Castillo. Il affronte James Cross, 10 victoires, une défaite lui aussi. Sa défaite, c'était également face à Donald Cerrone. Et finalement, Seth DeCon, 7 et 3, face à Frank Gomez, 7 et 1. Cet événement-là a lieu ce mercredi 18 novembre, Las Vegas, Nevada. On vous invite à suivre mmenouvelles.com pour suivre tout ce qui va se passer dans la vie de José Aldo cette semaine. Oui, et peut-être mentionner que normalement, les événements de la WEC sont présentés sur TSN, mais malheureusement, c'est très rare qu'ils sont en direct. Je vais aller chercher l'information et je la mettrai sur mmenouvelles.com. D'habitude, ils repassent genre 1 heure ou 2 heures plus tard sur TSN. Ah ben, merci Fred, j'en savais rien. C'est pour ça que j'ai pas vraiment regardé beaucoup de combats de la WEC. J'ai vu le duel Brown-Faber, leur premier duel. J'ai vu quelques autres combats, mais pas beaucoup honnêtement. Pas comme toi, mais là je pense que tu viens d'aider plusieurs personnes qui demeurent au Québec et au Canada. Ouais, ben regarde, pendant que tu commences à nous parler de l'UFC 106, je vais rechercher l'information, voir sur TSN. Alors, vas-y avec l'UFC 106. Alors oui, vous écoutez la voix des guerriers pour les prochains instants. Je serai seul avec vous puisque Fred est parti à la recherche des informations sur la WEC. Je vous entretiens donc de cet événement qui aura lieu à Las Vegas, Nevada, n'est-ce pas, au Mandalay Bay Event Center. Alors on est de retour en terre américaine, on quitte l'Angleterre et on arrive ici. UFC 106 avec deux gros noms pour les Américains, soit Tito Ortiz qui a connu beaucoup de succès, qui a été champion de la catégorie des 205 livres dans le UFC, et Forrest Griffin qui a déjà été champion un court instant, histoire d'un combat, mais qui a également été un joueur marquant lors de la première saison de Ultimate Fighter ou son combat final face à Monsieur Stéphane Bonnard avait été tout à fait spectaculaire et ça a donné comme un nouvel élan au sport et surtout au UFC. Ça, c'était il y a déjà quelques années quand même, en 2005, oui, 2005. Alors ça, c'était un combat important pour l'organisation du UFC et pour le sport, je pense, aux États-Unis. Alors ce duel-là entre Ortiz et Griffin, je pense, est très intéressant pour moi. En tous les cas, je sais que certains d'entre vous peut-être estiment que c'est peut-être pas le combat final rêvé d'une carte, mais moi j'ai hâte de voir ça. Ortiz a faim, il est de retour, il s'est absenté, il n'a pas combattu depuis sa défaite face à Lyoto Machida. Ça, c'était au milieu de l'année 2008. Mais là, en plusieurs mois d'absence, un avenir est certain avec le UFC. D'ailleurs, on était persuadé qu'il allait ailleurs. Mais finalement, il revient pour le UFC. Ses problèmes avec Dana White semblent réglés. Il veut, je pense, et je pense qu'il est vraiment en forme, là. Il a soigné tous ses maux de dos, entre autres. Il va être en feu. Et Forrest Griffin, lui également, a beaucoup de choses à prouver. Il est sur 2 défaites consécutives. Sa dernière, où il a eu l'air totalement fou, là, arrivé son entrée, où il avait l'air vraiment confiant. un petit jog, en joguant, là, puis un arrivé, il avait l'air en feu, puis il est parti aussi vite en courant, où là, il a mal paru, où il s'est fait mettre KO par Anderson Silva grâce à une petite touchette, là. C'était pas nécessairement un coup de puissance. Griffin a eu l'air fou. Alors évidemment, c'est un gars fier de lui, il va vouloir mieux paraître cette fois-ci. Et ce sera un deuxième duel pour les deux, puisque Ortiz a défait Griffin en 2006 par décision partagé, c'était vraiment très serré. Et là, je pense que les deux vont être à leur meilleur. Ortiz, j'ai l'impression, a une boxe bien beaucoup améliorée là, de manière incroyable depuis. Forrest Griffin, je suis pas sûr qu'il s'est tant amélioré que ça. Parce que la force de Griffin, à mon sens, c'était vraiment sa volonté l'espèce de folie qu'il avait de ne pas avoir peur de recevoir des coups. Mais là, dans ses deux dernières prestations, je pense qu'on est forcé de constater que Forrest Griffin ne semble plus afficher autant de volonté et autant d'inconscience dans le combat. Depuis, je pense qu'il est allé chercher le titre des 205 livres. On dirait que c'était comme pour lui, son chemin était fait. Mais maintenant, il va devoir retravailler pour redonner un nouvel élan à sa carrière. Est-ce qu'il va être en mesure de le faire? On n'en est pas persuadé. Oui, ben regarde, juste mentionner que pour le gala WSC, je vais rechercher plus l'information. Comme je dis d'habitude, c'est en différé, c'est juste que je réussis pas à la trouver. Et pour Griffin, Ortiz, tu as très bien résumé la situation, je trouve. Moi, personnellement, je pense que Griffin a beaucoup plus à perdre dans ce combat-là que Tito Ortiz. Parce que justement, Griffin, qui est sur deux défaites consécutives, pourrait pas vraiment s'en permettre une troisième, je trouve. Ça le ferait dégringoler en Moses dans la division. Et Tito, lui, qui revient d'une blessure au dos, qui revient d'une grosse opération, qui a déjà battu Griffin, si jamais il perdait dans ce combat-là, je pense que ça serait pas un si gros step back, un pas en arrière pour lui. Ça serait pas si pire que ça. Alors, malgré qu'on lui a donné un combattant plus dangereux que Mark Coleman, je pense, l'UFC en même temps lui a donné un genre de, si on veut, de combat où ce que on peut s'attendre à une victoire ou à une défaite de Tito Ortiz. Et si on retourne à leur combat qu'ils ont eu en 2007 ou 2006, je suis pas sûr c'était en quelle année, mais c'était un excellent combat, plein d'action, et ça avait été remporté par décision partagée. Alors, va falloir ça va être intéressant de voir comment ça va continuer. Toi, tu dis que tu vois Tito Ortiz amélioré plus que Griffin. Moi, je tente à pencher de l'autre côté parce que je vois Forrest Griffin, quand il a affronté Tito Ortiz au début, un Forrest Griffin avec pas beaucoup d'expérience. La seule chose, depuis un certain temps, j'aime pas beaucoup comment que Forrest Griffin se présente. Il est rarement sérieux et j'ai un peu de misère avec comment il se présente. Alors, je commence à me demander sur son sérieux en tant qu'athlète. Et moi, je vais y aller peut-être avec une surprise, puis je vais choisir Tito Ortiz gagnant, je pense. Ah, ben moi aussi, mais je pense pas que c'est une surprise si Tito l'emporte. Pour moi, ça va. Je vois difficile. Moi, je sais pas pourquoi, mais moi, j'ai l'impression que Tito Ortiz va revenir meilleur qu'il ne l'a jamais été. C'est un gars qui a eu du succès dans le passé. C'est un gars qui, je pense, qu'il a du talent, puis j'ai l'impression vraiment qu'il y a une boxe qui s'est vraiment améliorée dans ses derniers combats où je l'ai vu plus confiant avec ses mains, plus alerte. Puis je pense, je sais pas si c'est lui qui a mentionné ça, mais il aimerait peut-être avoir une troisième chance face à Chuck Liddell. Ouais, ben je sais pas ça fait combien de temps, mais je sais qu'on mentionne souvent, il est avec Freddie Roach maintenant pour sa boxe. Alors, ça doit sûrement l'aider, Freddie Roach, qui a passé du temps aussi avec André Arlovski et d'autres combattants. Freddie Roach, c'est principalement un coach de boxe. Mais c'est Manny Pacquiao, entre autres. Manny Pacquiao, qui est le meilleur boxeur, bon, selon certains, livre pour livre. Je ne sais même pas s'il a gagné hier, Pacquiao. Non, moi non plus, je ne sais pas, à vrai dire, je ne peux pas te le dire. Mais en tous les cas, jusqu'à hier, il était considéré comme un des meilleurs livre pour livre. Là. Ça dépend de ce que ça a donné comme résultat hier. Mais Freddie Roach, c'est le coach de plusieurs Philippins, dont Pacquiao. Alors, c'est un des grands coachs de boxe, là, en boxe de MMA, mais en boxe là, professionnel. Alors, c'est pas n'importe quoi. Oui, alors c'est ça, Tito Ortiz qui a passé du temps avec. Tito a sûrement beaucoup amélioré son stand-up. Et Forrest Griffin, lui, c'est un gars qui aime échanger, mais justement, il vient de subir un gros KO contre Anderson Silva. Contre Rashad Evans aussi, il s'est fait mettre KO. Alors, ça va être intéressant de voir si Forrest Griffin a encore le vouloir de manger tous ces dommages-là. Parce que Forrest Griffin, justement, la plupart de ses victoires-là, c'est des combats où il en donne, mais il en reçoit aussi beaucoup. Alors, il est-tu encore capable d'en recevoir autant, Forrest Griffin? Ça va être intéressant à voir. Moi, j'ai hâte de voir quand même ce combat-là. Mais j'en reviens à dire que je pense pas que c'est un combat qui est digne d'être un main event pour un UFC où ce qu'on on doit débourser 50$ quand je mentionnais tantôt. Ouais, mais moi, je l'aime, la carte. Honnêtement, là, on va la décortiquer, là, la démystifier tout ça tout au long des prochaines minutes. Puis il me semble qu'il y a des bons combats. Non, il n'y a peut-être pas le gros combat, mais Ortiz Griffin, je pense que ça peut être très bon quand même. Moi, ça m'intéresse. Cette carte-là m'intéresse, je vais vous dire, même si plusieurs des lecteurs de MMAnouvelles.com ne semblent pas apprécier ce qui leur est présenté sur papier, moi, je vous dis, ça va être un bel événement. Puis en même temps, j'ai eu la chance de regarder ça, puis finalement, Manny Pacquiao a remporté son combat, mais tout le monde s'en fout, parce que nous, on aime le MMA. Ouais, parce qu'en plus, faudrait bien... je veux pas voir Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather quand ils ont 45 ans chacun, là. Ah non, mais c'est des jeunes hommes, là. Oui, mais c'est parce que la façon que ça fonctionne, la boxe, on risque de les voir quand les deux vont être dans la quarantaine. Ils vont finalement avoir une entente de comment séparer 50 millions en deux. C'est vrai, hein, que les duels, là, c'est ce que le UFC nous donne d'habitude, là, c'est assez rapidement, il n'y a pas de niaisage, là. T'as pas besoin d'avoir 50 victoires de suite pour avoir ta chance pour un combat de championnat. Puis une défaite, ça te recule pas si loin que ça. Parce que bon, Brandon Vera, là, en boxe, il subit une défaite, même si c'est une défaite contestée comme ça, ça peut le reculer beaucoup, alors qu'en MMA, on dirait que les matchmakers sont agis de manière un peu plus intelligente. Ouais. Et puis du côté de Forrest Griffin, Fred, là, il y a Sean Tompkins qui était le coach là debout en Muay Thai là-bas chez Extreme Couture. Puis lui, il est parti de là il y a quelques temps. Je sais pas de quelle manière les combattants de l'Extreme Couture vont... ça va sûrement les affecter à un moment donné parce que Sean Tompkins, c'est quand même un des coachs très respectés dans le milieu. Oui, c'est sûr. Moi, je suis pas un très grand connaisseur d'un point de vue les entraîneurs. Mais non, c'est sûr, tout court... Forrest Griffin m'a de l'air différent, moi, comme combattant dans la dernière année. Je sais pas si tu as remarqué ça. Moi, j'aime pas beaucoup quand le gars il manque de sérieux. Il y a de la misère. C'est comme le combat avec Anderson Silva. Il a jamais vraiment répondu à aucune question vis-à-vis à ça. Là. Il tourne toujours les entrevues un peu en une joke. Alors. Ouais, ben, en même temps, je comprends le gars. Le gars, il a eu l'air fou. Là. Honnêtement, là, être à sa place, là. Être à sa place, je serais jamais montré dans l'octagone, là. Mais bon, disons qu'à un moment donné, j'ai du courage, je me rentre là-dedans, puis je me fais démolir, là, puis j'ai l'air d'une fillette. Là. Il n'a pas eu l'air brillant, mais c'était le genre de sport où tout peut arriver. Mais Griffin n'a pas eu l'air brillant dans ce combat-là face à Anderson Silva. Il est reparti en courant. Bon, il n'a pas envie de répondre à des questions, il n'a pas envie de reparler de ça. Je peux comprendre ça, là. Il y a des moments dans la vie où tu parais très mal, puis tu essaies de l'oublier. Mais ce qui est plate dans ce sport-là, c'est que quand tu parais très mal, ben, il y a peut-être 1, 2, 3 millions de personnes qui t'ont vu, puis qui veulent savoir pourquoi tu as eu l'air fou comme ça, puis qui n'arrêtent pas d'essayer de te poser tout le temps la même question. Mais lui, il n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'est sûrement préparé comme un malade pour cette confrontation-là. Je suis convaincu qu'il s'est bien entraîné, qu'il s'est bien préparé, puis qu'avec ses coachs, il était sûr d'avoir trouvé la clé pour vaincre Anderson Silva. Il n'est pas parvenu, puis là, j'imagine qu'il veut passer à autre chose, puis je le comprends. Oui, tu as raison, mais d'une autre façon, moi, je parle souvent de l'aspect mental et Georges St-Pierre réagirait pas comme ça, Lyoto Machida réagirait pas comme ça, beaucoup de monde réagirait pas comment qu'il réagit et ça me déplaît. Je dois admettre que c'est quelque chose qui me fait douter justement de voir si Griffin a ce qu'il faut pour en remonter. Oui, ben on va voir ça, puis on vous invite. J'imagine qu'on va pouvoir parier là-dessus sur le jeu de paris virtuel dont je suis tombé éperdument en amour sur MMAnouvelles.com. Là. Si vous ne participez pas encore à ça, là, réveillez-vous là et surveillez mon ascension qui est partie dans 18e position, qui est déjà en 5e position et qui rapidement va dépasser Chichi qui est en première position. Oui, ben j'espère pas avoir réveillé le petit côté ton petit côté caché malsain Ouais, un joueur compulsif. et te rappeler que c'est des crédits virtuels et rappeler à tout le monde que ce n'est que pour s'amuser. Ouais, non, mais je suis tout de même très prudent. Alors, non, c'est bien fait, là. Et non, c'est vraiment plaisant. Puis un autre combat, là, hey, celui-là va être intéressant. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a de la graine, là, de futur adversaire pour Georges St-Pierre dans ce duel-là, entre Josh Koscheck et Anthony Johnson. Catégorie des 170 livres, est-ce que Johnson va réussir à couper suffisamment de poids pour se rendre à 170 livres? La question est lancée. Puisque la dernière fois, face à Yoshiyuki Yoshida, ça fait pas longtemps, là, ça fait même pas un mois, il n'y était pas parvenu. Quelques semaines plus tard, réussira-t-il à faire la pesée pour affronter Josh Koscheck, qui, pour moi, est un combattant redoutable? Ben, d'après moi, oui, il va faire le poids parce que justement, il aura pas le temps de regagner assez de poids entre les deux combats. Moi, j'ai hâte à ce combat-là tout court. J'ai mis mes doutes souvent sur Anthony Johnson qui pourrait combattre pour toujours à 170 livres. Je le trouve gros. Mais avec ça dit, je veux voir Anthony Johnson dans la cage. C'est un des combattants que je trouve qui a le plus de talent parmi les jeunes. Peut-être que tu peux m'informer sur son âge exact, Anthony Johnson. Mais je sais qu'il est encore très jeune et justement, il a un beau futur devant lui. Josh Koscheck, moi, je l'aime bien. Je l'aime peut-être pas autant que certains autres l'aiment. Et je vois Anthony Johnson sortir gagnant de ce combat-là, mais ça va être excellent. J'ai hâte de voir ça. Josh Koscheck a beaucoup de courage, alors ça va être excellent. Oh là là là là. Début trentaine pour Koscheck, mi-vingtaine pour Johnson, puisqu'il a que 25 ans. Bon, Koscheck s'entraîne avec l'American Kickboxing Academy. Ça, c'est qui? Ça, c'est Conley, c'est Mike Swick, c'est John Fitch, c'est Cain Velasquez. Anthony Johnson s'entraîne, lui, avec Conley, mais pas Ouais, au. t'as mentionné ça. Conley en a parlé cette semaine, justement, c'était intéressant. Ah. Et j'ai mis une entrevue de Conley sur MMAnouvelle.com que j'avais sous-titré, si jamais tu veux aller voir, où ce que Conley parle du fait qu'il a entraîné les deux et il dit c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Ça a pas de l'air à y faire plaisir, mais c'est la vie. Des fois, ça va arriver. Alors, ça va être intéressant, justement, deux gars qui ont passé par les mêmes étapes un peu, si on veut. Alors, ça va être un excellent combat. Koscheck, c'est un excellent, excellent lutteur. Quatre fois, il a fait partie de la division 1 au collège américain, la NCAA, en lutte. Quatre fois dans les All-Americans. Il a déjà remporté à une reprise. Il a fait le top 4, je pense, dans les 4 années. Alors, c'est vraiment un athlète là, incroyable. Debout, il garoche une main arrière très puissante, ça c'est certain. Mais sinon, plutôt. Ordinaire, manque de fluidité. Là, c'est pas nécessairement un Mohamed Ali debout. Il peut garrocher une jambe arrière également ici et là. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement le plus fluide debout. Mais il se débrouille. Mais une lutte là est très dangereuse. Un combattant qui a beaucoup d'expérience maintenant avec 17 combats à son actif. Dernièrement, a subi une défaite surprise face à Paulo Thiago. Mais Koscheck est capable d'encaisser. Moi, je l'aime bien, Josh Koscheck. Je le trouve très talentueux. Mais là, c'est 5 pieds 10 pour Koscheck. C'est 6 pieds 2 pour Johnson. La portée, 73 pour Koscheck, 78 pour Johnson. Alors là, il y a une différence vraiment marquée. Alors, ce sera vraiment pas facile pour Koscheck. Johnson, un avantage là pour la portée, pour les dimensions. J'imagine également sa grosseur va l'aider. Puis Johnson a une bonne expérience en lutte également. Je ne sais pas s'il y a eu autant de succès que Koscheck, je ne penserais pas. Mais quand même, Johnson n'est pas dépourvu d'aptitude là en lutte, là, loin de là. Et debout, il est très bon également. Au sol, on ne l'a pas vu tant. Alors, on va en apprendre de plus, je pense, si Johnson réussit une brillante performance. Mais là, on va pouvoir penser que George va vraiment avoir un vrai adversaire dans sa catégorie de poids. Oui, puis ça va être intéressant aussi de voir Johnson qui a combattu. Ça va être moins de 4 semaines entre les deux combats. Alors, ça va être très intéressant de voir. J'espère dans les émissions de Countdown, ils vont suivre un peu comment qu'il embarque dans son entraînement. C'est un aspect qui va m'intéresser, moi. Oui, et les deux ont déjà affronté Yoshiyuki Yoshida Johnson, c'était très récent, c'était son dernier combat, où ben vous l'avez vu là, Je suis pas sûr que 41. Yoshida s'en rappelle, sauf. Non, j'espère qu'il doit essayer de l'oublier. Ça a duré 41 secondes et Johnson facilement avait pris les choses en main. Du côté de Koscheck, il l'avait détruit également, mais ça lui avait pris un peu plus de temps. 2 minutes 15, mais souvenez-vous de sa main arrière. Et Koscheck l'avait envoyé au tapis, puis Yoshida était reparti sur une civière. Alors, ben, le pauvre Yoshida, pour moi, il a besoin de repos et ce sera ces deux Américains-là qui vont se mettre au défi. Oh, ça m'intéresse. J'ai hâte à ce duel-là et un autre duel, là, je sais pas, ça va être difficile. J'ai hâte de voir les paris sur le jeu de paris virtuel. Ça va être intéressant à suivre ça et ça s'en vient à grands pas. Par la suite, bon, on a Amir Sadollah qui en sera qu'à son troisième combat professionnel de MMA. Il a une victoire, une défaite. Sa défaite, c'était à son dernier combat. Dans une décision peut-être un peu trop rapide, juge certains de l'arbitre. Mais néanmoins, Johnny Hendricks l'avait défait par TKO après 29 secondes du début du combat. Il a remporté la série numéro 7 de Ultimate Fighter face à CB Dolloway. Il avait soumis Dolloway. C'est un gars qui a une ceinture noire en sambo. Il a 29 ans. C'est un gars correct, mais là, il affronte Phil Baroni, qui n'est pas nécessairement le plus talentueux, le plus, je dirais, technique des combattants. Il s'entraîne avec Mark Coleman, Kevin Randleman, Wes Sims à la Hammer House. 5 pieds 9, 33 ans de la part de Baroni. S'est déjà fait prendre à consommer des produits dopants. On n'en était pas nécessairement surpris, il y avait qu'à voir. Mais depuis, il a dégonflé un peu, puis à 170 livres. Est-ce qu'il y a vraiment un avenir pour lui? C'est un peu pour moi une surprise de le voir dans le UFC. Baroni, qui a subi une défaite dans son combat pour le Strikeforce, à son dernier combat face à Joe Riggs, où il avait pas bien paru tant que ça. Avant ça, bon, on avait été chercher 3 victoires, mais face à des combattants de sous-classe, je dirais, dans des organisations pas très prestigieuses. Et sinon, juste avant ça, face à des noms de vrais combattants d'élite, il avait subi que des défaites dernièrement. Alors, Baroni a une fiche de 13 et 11, et à ma grande surprise, je le vois là dans le UFC, je me dis, il y a tellement d'autres combattants, beaucoup plus talentueux, mais qui n'ont peut-être pas autant de notoriété que Phil Baroni. Mais bon, Baroni a une chance, mais il faut dire aussi que c'est toujours des combats divertissants qu'il nous offre d'habitude, ce Phil Baroni. Ouais, ben surtout des entrées divertissantes, je pense. J'espère qu'il va nous amener autant de belles filles que Jason Miller avait l'autre fois. Mais sinon, Phil Baroni, c'est pas, je suis pas un amateur de Phil Baroni, le combattant. Il me fait bien rire. C'est un personnage plus que d'autres choses. Alors pourquoi pas? Amir Sadollah, on dit souvent beaucoup de bien de lui. Et comme tu as dit, il a remporté l'Ultimate Fighter, alors c'est plus un test pour Amir Sadollah, où ce qu'il peut pas se permettre de perdre, je pense, ce combat-là. Phil Baroni, lui, s'il s'est réussi à remporter une victoire, ben il va se mériter d'autres combats. C'est de même que je vois ça, surtout. Ouais, ben effectivement. Mais bon, c'est un combat qui risque d'être quand même divertissant, là. Ce sera pas terne. C'est pas un gros combat là, de carte principale, mais ce sera pas un mauvais là, un combat ennuyant. Ça, je pense, c'est certain. Mais il y a un autre combat qui m'intéresse beaucoup plus. C'est deux Brésiliens qui vont s'affronter. Dans la catégorie de 205 livres, Louise Kane, qui a l'air de rien, ce gars-là. Il va affronter Antonio Rogério Nogueira, le frère de l'autre. Il a, dans le cas de Kane, 10 victoires, une seule défaite, s'entraîne avec l'American Top Team. Il a 28 ans, mesure 6 pieds et 2 pouces. 8 de ses victoires par TKO ou KO. Une autre par soumission et seulement qu'une victoire par décision. Il a subi qu'une défaite. C'était suite à une disqualification, un coup de genou illégal contre James Irvin au sol. Alors sinon, c'est une fiche là vraiment impeccable du côté de Louis Arthur Kane, qui a réussi à battre Jason Lambert, Sokou Joe et Steve Cantwell dans ses 3 combats les plus récents. Il n'a qu'un seul combat en 2009. Alors voyons voir ce que Kane va pouvoir faire face à Nogueira. Un excellent combattant au sol, puis un combattant, je pense, beaucoup plus talentueux que son frère, debout. C'est un boxeur qui a réussi à aller chercher une médaille de bronze aux Jeux panaméricains en 2007, Nogueira. C'est un bon boxeur, là. Rien de nécessairement. Il ferait pas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance, mais c'est un bon boxeur, Nogueira. Puis également, bon, au sol, il a le talent de son frère, alors très dangereux au sol également. Ça rajoute quelque chose, je pense. pour le UFC dans la catégorie des 205 livres. Il y avait beaucoup de lutteurs, mais là, on a vraiment un gars qui est très dangereux au sol. Il est un peu plus âgé, il a 33 ans. Et une belle fiche de 17 victoires et 3 seules défaites. Oui, ben pour moi, personnellement, sur la carte de combat, c'est un des combats, je dirais, les plus techniques, là. C'est deux gars qu'on n'a pas. Ils n'ont pas beaucoup de flash, si on veut, autour. T'sais, on les connaît pas plus que ça. Nogueira, à cause que son frère est sûrement plus connu, et Kane, parce qu'il est encore. Pas qu'il est jeune, il a déjà 28 ans, mais il est pas tellement connu. Mais c'est deux gars qui sont excellents et il faut garder un œil dans la division. Moi, je l'ai déjà dit aussi que j'aime beaucoup Lewis Kane. Je vois un très bel avenir. Il a déjà 28 ans, mais il a un style que j'aime beaucoup. Et je sais que toi, tu vois Nogueira gagnant, mais moi, je vais prédire Lewis Kane gagnant contre Nogueira. Il va faire une surprise, si on veut, qui sera pas une surprise pour moi. Et Lewis Kane, je pense, va sortir avec un KO de Nogueira. Hey, ben je me suis même pas encore prononcé, mais je pense que t'as lu dans mes tendances. Est-ce que c'est le genre de combat qu'on va pouvoir également parier? Là, je reviens tout le temps sur ça, là. J'ai l'air d'un joueur compulsif, un peu malade, là. Mais c'est-tu le genre de combat qu'on va pouvoir parier? Oui, je vais rajouter les combats et je vous dirai tout de suite que tous les combats de la carte principale vont être disponibles, ainsi que ceux sur Spike TV. Je vais les mettre disponibles aussi. Alors, parce que Spike TV va nous offrir aussi quelques combats intéressants, je trouve. Parce que Nogueira, là, vous connaissez peut-être pas, mais ceux qui ont suivi le Pride, là, vous l'avez vu battre Alistair Overeem, vous l'avez vu soumettre Dan Anderson, vous l'avez vu battre même Overeem à deux reprises. Il a perdu face à Sokoju, ça c'était un combat qui en a surpris beaucoup, puis c'est ce qui a fait en sorte que Sokoju a réussi à aller chercher des combats très importants par la suite. Mais bon, c'était peut-être un lucky punch à ce moment-là. Mais Nogueira a réussi à vaincre beaucoup de gros noms. J'ai bien hâte là, de le revoir en action dans le UFC, ben, de le voir pour la toute première fois au UFC. C'est Nogueira-là, très talentueux. Oh, maudit, ça va être un bon combat à suivre. Oui, le dernier combat sur la carte principale, moi j'ai beaucoup d'intérêt. Dustin Hazlett qui va affronter Caro Parisian. Moi, Dustin Hazlett, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Malheureusement, à 170 livres, il y a toujours le problème que Georges St-Pierre, c'est le roi incontesté. Mais à part de ça, Dustin Hazlett, moi je le vois dans le mix, dans le top des 5 à 10 là, dans l'UFC là, de cette division-là. Dustin Hazlett a sa place selon moi parce que son jiu-jitsu est excellent. Il est peut-être pas au niveau là, des Thiago Alves et John Fitch, mais Dustin Hazlett vers la fin du top 10 de l'UFC là, à 170 livres, je le vois là. Et je le vois sortir gagnant contre Caro Parisian. Oh boy. Hey, je veux pas trop me prononcer aujourd'hui parce qu'on fera probablement une émission spéciale, comme on en fait l'habitude, là, les avant UFC, avant les grosses cartes de diverses promotions, diverses organisations. On se paye la traite pour on se fait une petite demi-heure, 45 minutes d'émission spéciale pour vous entretenir avant votre événement préféré. Puis bon, des fois, on est assis, puis là, il reste à 1 heure, à 2 heures avant le début des événements, puis on a envie d'entendre parler des combats qui vont avoir lieu, juste pour se mettre dans le bain puis réchauffer l'atmosphère. Alors, je ne voulais pas trop me prononcer aujourd'hui, mais je vais vous dire. Et là, c'est ma prédiction. Signé ma voyante Gisèle, et c'est une victoire assurée. Là, elle me l'a assurée, sinon je la renvoie immédiatement. Mais Caro Parisian va détruire, détruire Dustin Hazlett. Parisian, c'est un guerrier, un gars qui a plein de talent, un gars qui, bon, un judoka, là, je pense, c'est l'un des judokas qui a eu le plus de succès en MMA. C'est un judo qu'il a commencé à apprendre grâce à Gene Lebel, le judoka, je pense, le plus connu des Américains, à partir de l'âge de 8 ans. Là, on dit 5 pieds 10 dans le cas de Parisian, il fait peut-être un peu plus que ça, là. Mais en tout cas, 5 pieds 10, il a 27 ans, il est encore tout jeune, il a affronté les meilleurs déjà, il n'a pas réussi à les battre, mais il a jamais mal paru. Il a affronté Georges St-Pierre en 2004, alors que les deux en étaient à leur début pratiquement au UFC, où ça a été une guerre là, pendant 15 minutes. Bon, St-Pierre l'avait remporté, mais quand même, Parisian, c'est un gars dangereux. Dustin Hazlett, je l'aime bien. Très divertissant au sol, un bon jujutsu, mais là, attention, Parisian, c'est pas un blagueur. Et Dustin Hazlett, il va se faire détruire. Ah, je suis pas d'accord. Moi, je vais admettre que Dustin Haslett m'a sorti tellement de belles soumissions dans sa carrière que je dois prendre pour lui. J'ai un certain penchant pour ceux qui peuvent sortir des soumissions incroyables. Puis malgré que Parisian est excellent au sol, défensivement surtout, ça m'étonnerait qu'il se fasse prendre dans une soumission, mais on va y aller. On va dire Dustin Haslett va réussir une soumission surprise. Il n'a que 23 ans, Dustin Haslett. Je me souviens de sa défaite contre Josh Koscheck. Mais sinon, dernièrement, des belles victoires. C'est vrai, une soumission spectaculaire là, contre Tamdam McCreary dans son dernier combat. C'était en 2008, son dernier combat. Pas encore combattu en 2009. Haslett, je suis un peu surpris d'apprendre ça. Je me rappelle plus quelle blessure. Il avait subi une blessure, une opération qui a dû mettre un retardement à son prochain combat. Et j'essaie de lire en ce moment, mais non, il n'y a pas mention sur sa page Wikipédia. Je sais qu'à son dernier, suivant son dernier combat, il a fallu qu'il subisse une opération. Alors, c'est un gars qui est quand même assez grand, 6 pieds et 1, mais je le trouve un peu frêle. Pour un judoka, Parisienne, je pense, va se régaler. Un gars avec le centre de gravité un peu haut, là, comme Dustin Haslett, je pense que Parisienne va te l'envoyer, va te le garrocher de l'autre côté de l'octogone. Ah. Ça va être inédit, on n'aura jamais vu ça. Ça va être un bon combat. Comme tu mentionnais, l'UFC 106 a beaucoup de bons combats. Les 5 combats qui sont prévus sur la carte principale sont excellents, je trouve. C'est juste qu'il me semble avoir Brock Lesnar contre Shane Carwin là-dessus, là, ça aurait été parfait pour dire que ça vaut 50$ à dépenser. Et là, en ce moment, ça me laisse un petit peu entre les deux, parce que tous les combats m'intéressent, mais je vois ça plus comme une carte qui devrait être sur Spike TV. Ben, tant qu'à moi, toutes les cartes devraient être sur Spike TV, là, parce que, bon, à un moment donné, la vie étant, la crise économique touche tout le monde. Mais que voulez-vous, c'est tellement un beau sport. Moi, je pense, réunissez-vous avec quelques amis. Moi, j'aime bien écouter ça seul, par contre, là, avec mon chien Rufus, là, et on est concentré à regarder ça. Mais entre amis également, à l'occasion, c'est agréable. Vous vous réunissez quelques-uns, chacun met 10-15$. Il y en a un qui amène les chicken wings, mais faites attention, pas trop aux épicés parce qu'il va vous arriver ce qui est arrivé à Fred hier. Puis au milieu du combat couture face à Brandon Vera, ben là, ça va pas très bien. Puis là, on est accroupi, position fétale sur le sofa, en train de se morfondre, puis en regrettant ses chicken wings. Ouais, quelque chose du genre. Mais que j'allais dire, ça veut dire qu'il y a juste toi puis ton chien qui savent combien de crédits tu mets sur chaque combattant? Je sais pas. Si ah, on oui, pensait bien là-dessus sur les combats de Spike TV, que Spike TV va nous montrer à partir de 9h encore. J'espère que Spike TV va prendre cette habitude-là de faire ça à toutes les galas, parce que c'est le fun d'avoir une couple de combats de plus. Moi, le plus qu'on a, le mieux que c'est. Oui, puis c'est des bons duels, là. C'est Kendall Grove, un géant de 6 pieds et 6 pouces, qui s'est entraîné dans le passé avec Team Punishment. Ça, c'était Tito Ortiz, Rico Rodriguez. Là, il s'entraîne avec son ami, son idole, BJ Penn. Il a 27 ans, Kendall Grove. Alors, 6 pieds 6 pour 185 livres. Alors, on voit quand même, il y a une portée qui va l'avantager dans presque tous ses duels, là. Alors, Kendall Grove, qui a une fiche de 10 victoires, 6 défaites. C'est un bon combattant. À son dernier combat, il subit une défaite face à Ricardo Almeida, mais il avait bien fait. Puis honnêtement, c'est un combat très serré. Alors, Grove, c'est un gars plein de talent, mais là, il affronte Jake Roschold, un gars issu de la WEC notamment. Dans la UFC, là, une victoire, une défaite, sa défaite par soumission à 1 minute 03. Guillotine, c'est contre Dan Miller. Mais dernièrement, il a vaincu par étranglement triangulaire avec les bras Chris Leben. C'est un bon lutteur, 4 fois dans la division 1 au collège américain. Alors, un gars en lutte est vraiment excessivement intéressante. Mais attention, le sol de Kendall Grove là, est très bon. Puis même le dos au sol peut soumettre n'importe quel adversaire. Il a 6 de ses 10 victoires par soumission. Puis avec des grands pattes comme ça, ça se peut qu'il fasse 3 fois le tour du corps de Rushold pour lui faire un gros plateau. Ouais, ben Kendall Grove, je pense qu'il a été pas mal inconstant. C'est un peu le problème depuis qu'il est dans l'UFC. Et ça va être intéressant parce que Il y a un moment donné qu'il y avait des rumeurs où ce que l'UFC était proche de le renvoyer. On parlait de ça sur différents forums et tout. Alors, Kendall Grove qui a perdu son dernier combat, je pense qu'il peut quasiment pas se permettre une défaite parce que justement à cause de son inconstance. Jake Roshold, lui, est arrivé avec beaucoup d'attention. Et moi, les combats, je me rappelle, j'avais regardé les premiers combats dans WEC puis son premier combat dans l'UFC, puis j'avais pas été plus. Oui, il y avait eu des beaux moments, mais son combat, surtout dans WSC, m'avait pas plus impressionné que ça. Mais le dernier combat contre Chris Lieben, il avait sorti une très belle soumission. Alors, ça va être intéressant. Je pense que Jake Roshold, c'est un solide lutteur, comme tu as dit. Alors, je vais prédire une victoire de Jake Roshold, puis je vais dire que Kendall Grove peut pas vraiment se permettre une défaite en ce moment. Oui, dans la WAC, je pense, son combat là, d'anthologie, c'était face à Nelson Osternick en 2008, où on s'était échangé coup pour coup, là, vraiment un combat de malade mental. Où Rushout, non, il n'y a pas nécessairement une technique de frappe incroyable, mais c'est un gars qui se refuse pas à encaisser des coups de poing. Un gars vraiment là plein de volonté, mais face à Kendall Grove, ce sera peut-être pas facile parce que Grove est solide au sol. Ça peut être un combat qui va être intéressant, ça. Oui, ben, moi, c'est un autre combat que j'ai hâte de voir. Oui, c'est sûr, c'est ça. C'est deux combattants. Comme je dis souvent, tu sais, Jake Roshold, je le considère un jeune qui est sur la montée. Puis Kendall Grove, je le considère un vétéran de milieu de peloton. Alors, pour les deux, c'est des combats importants. Alors, les deux ont besoin d'une victoire pour continuer à monter dans les échelons. Oui, mais les deux sont âgés de 27 ans. Ils en sont au même point dans leur carrière, mais Grove a connu des hauts et des bas. Mais là, il s'entraîne avec BJ Penn. Alors, j'ai hâte de voir ça. Moi, c'est un combat que j'ai hâte de voir. Maintenant, Ben Saunders face à Marcus Davis. C'est intéressant. Marcus Davis, un gars qui a beaucoup d'expérience en lutte, notamment. Je pense qu'il a fait quelques combats de boxe en boxe. J'ai dit lutte tantôt, mais c'est boxe que je voulais dire. Il a fait quelques combats de boxe professionnel. Ben Saunders, a débuté son aventure avec les arts martiaux avec le Jeet Kune Do. 6 pieds et 3 dans son dernier combat face à Mike Swick m'avait grandement déçu. Il n'avait pas eu le courage d'échanger debout contre Mike Swick. Et là, est-ce qu'il va le faire face à un gars qui a une bonne bite comme Marcus Davis? Qui sait? Alors, Saunders, Davis, Fred, ça t'allume? Oui, ben regarde, c'est un combat encore entre deux gars que je dirais là que c'est vers la fin du milieu de peloton. Là, c'est pas des combattants qui vont attirer mon œil plus que ça, mais ça risque d'être un combat intéressant. Moi, j'aime bien Marcus Davis, qui donne en général des très beaux spectacles. C'est un gars qui a beaucoup de courage. Et Ben Saunders aussi, malgré que dans son dernier combat, ça n'a pas duré très longtemps contre Mike Swick, Ben Saunders, d'habitude, a beaucoup de courage aussi. Alors, ça devrait être une bonne guerre, je pense. Oui, j'ai hâte de voir ça, mais je pense que les mains de Davis sont trop puissantes, puis Saunders... Tu vois, moi, j'ai été déçu de sa prestation face à Mike Swick. Alors, je pense que Davis va aller chercher ce combat-là, mais qui peut être un bon combat debout. Saunders, un grand bonhomme avec des jambes alertes. Davis a des bonnes mains également. Puis, il se refuse jamais à encaisser des coups de poing d'en face, comme on l'a vu face à Dan Hardy, comme on l'a vu face à Chris Lettle. C'était vraiment des genres de combats là, spectaculaires. D'ailleurs, contre Lettle, il avait remporté le combat de la soirée. Oui, ben regarde, je pense que ça va être un des rares combats où on est en accord. Là. On va compiler tout ça pour l'émission de pré-UFC 106. Parce qu'à date, on semble avoir beaucoup d'opinions divergentes. Mais celui-là, je pense moi aussi, je vais y aller avec Marcus Davis. Oui, ben ça, c'est intéressant quand on n'a pas les mêmes prédictions. Là, d'autant plus que je pense que ça va être payant pour moi cette semaine, le jeu de paris virtuel. Je vais pouvoir te le dire la semaine prochaine que je te l'avais dit. Ouais. Bon, hey, je complète le reste de la carte. Puis Fred, comme d'habitude, il m'arrête quand il en ressent le moment. Paulo Thiago, le préféré de, pas probablement, Papa Thiago. Il a 11 victoires, une seule défaite, mais sa défaite, c'est à son dernier combat face à John Fitch. 11 de ses victoires. Parmi ses 11 victoires, il en a 7 grâce à des soumissions. C'est un gars qui a évidemment là, beaucoup de talent au sol, ceinture noire et en judo et en jiu-jitsu brésilien. C'est un officier de police au Brésil. Dans le UFC, bon, une victoire et une défaite. Sa victoire surprise, en tout cas je la qualifie comme ça, face à Josh Koscheck, et sa défaite dans un combat face à John Fitch, où Fitch l'a contrôlé tout le long. Alors, a contrôlé tous les talents là, de grappling de Thiago au sol. Il affronte Jacob Volkman, 9 victoires, aucune défaite. C'est son premier combat dans le UFC. Semble avoir des talents au sol également, puisqu'il a 6 de ses 9 victoires par soumission. On est toujours dans la catégorie des 170 livres, où cette fois-ci, c'est Brock Larson avec ses 26 victoires, ses 3 défaites, ses 18 victoires grâce à des soumissions, qui va se présenter dans l'octogone pour affronter Brian Foster. 12 victoires et 4 défaites, il s'entraîne avec Matthews. Il a été défait par étranglement de côté à son dernier combat face à Rick Story. Dans la catégorie des 155 livres, maintenant, le Japonais qui en est à son retour dans le UFC, ben son deuxième combat depuis son retour dans le UFC, puisqu'il avait affronté Spencer Fisher dernièrement, où il avait perdu une décision. Il a 34 ans, KO Uno. Il a 27 victoires, 11 défaites et 4 combats nuls. Il a déjà été chercher un combat nul contre BJ Penn et une défaite également assez spectaculaire. Au BJ Penn, il avait mitraillé à grands coups de poing où Kaol Uno s'était retrouvé inconscient. Ça fait plusieurs années. Mais là, il affronte une ceinture noire deuxième degré en jiu-jitsu brésilien sous les ordres de Royler Gracie. Il s'appelle Fabricio Camoes. Il a 10 victoires et 4 défaites. Il en est à son premier combat dans le UFC. Il a 6 de ses 10 victoires qui ont été acquises grâce à des soumissions. Il est sur une lancée spectaculaire de 7 victoires consécutives. Finalement, un Australien de 32 ans, George Sotiropoulos, est présent pour affronter Jason Denn, un Américain. Dans le cas de Sotiropoulos, c'est 10 victoires et 2 défaites. Et pour Jason Denn, l'Américain, 19 victoires et 9 défaites. C'est ce qui va vous être présenté ce samedi 21 novembre 2009, le UFC 106. Bon, moi, j'aime bien la carte. Pour certains, ce n'est pas à votre goût, mais je pense que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer ces combats-là. Et si jamais l'audace vous pousserait à vous dire non, je ne mets pas un sou pour cet événement, bien alors suivez quand même tout ce qui va se passer sur MMAnouvelle.com et également grâce à notre émission spéciale d'avant-combat, La Voix des Guerriers, édition spéciale qui va être présente quelques minutes, quelques heures avant le début du gala du UFC 106. Oui, mais de toute façon, pour notre public en France, qui n'a pas aucune façon de regarder le gala en direct, ils sont pas mal poussés à faire des choses si on veut un peu croche. Alors, regardez ça en direct ou est-ce que vous regardez ça en direct d'habitude? Ah, moi, en tout cas, l'important, c'est de suivre ce qui se passe et d'avoir du plaisir. Et moi, j'aime bien contribuer et ainsi donc garnir les poches des combattants du UFC et également de l'organisation du UFC. Ben, effectivement, que c'est agréable également, des fois, lorsque c'est présenté sur Spike TV, là, comme ça, tout à fait gratuitement. Mais ce ne sera pas le cas pour cette semaine. Alors là, on a fait le tour de WEC, on a fait le tour du UFC, on a fait les potins, on a fait les nouvelles, on a fait plein de choses. Et là, je m'interroge, est-ce que ça veut dire qu'on a terminé? Il me semble que j'ai plus de tapis devant moi, je me retrouve là comme ça, les mains vides, et je m'interroge, Fred, qu'est-ce qui se passe là? On a-tu terminé, coudonc? Ouais, ben je pense qu'on est pas mal vers la fin, là. Juste encore une fois, dire un grand merci à tout le monde qui vient sur le site, qui crée des discussions intéressantes et tout. Alors, arrêtez pas, on apprécie ça, lire les différentes opinions, puis en même temps, ça peut affecter nos propres opinions. Des fois, il y en a qui apportent des bons arguments et tout. Alors, c'est vraiment intéressant. Lâchez pas ça et un gros merci à tous ceux qui sont là. Ah, ça c'est gentil, puis c'est le fun d'ailleurs. On vous le dit, on lit toujours là, tous vos commentaires, ça c'est sûr et certain. Puis on essaye d'apporter des correctifs et de s'améliorer. Et c'est ainsi que va la vie. Et j'avais un dernier sujet, donc je voulais vous entretenir avant qu'on se quitte là pour cette semaine. Il y a un autre événement mineur. C'est un événement du Strike Force Challenger, leur deuxième du mois et le troisième événement au total de l'organisation Strike Force. Bon, je vous en parle pas dans toutes ces grandes lignes, justement de quelques combats, puisqu'on aura droit à Couture face à Vera 2, puisque les dames de et Couture et Vera, ben l'ancienne dame de Couture, puisqu'ils sont, je pense, en voie de divorcer, ou c'est peut-être déjà fait. On s'en fout, là, c'est des histoires-là qui ne m'intéressent pas. Alors, Kim Couture, ancienne conjointe de Randy Couture, elle a 33 ans, mais elle s'entraîne toujours avec le clan Extreme Couture. Alors, il y a quand même beau geste de leur part. On s'est quitté, mais main dans la main. Une victoire et une défaite dans le cas de Couture. Kerry Vera, ben, c'est Madame Brandon Vera. Elle a une victoire avec une défaite. de ce que je sais d'eux, là, je pense que Vera, est un peu à l'instar de son conjoint, ben, debout, là, elle n'a pas piqué des verres à Muay Thai. Et du cas de, dans le cas de Kim Couture, j'ai aucune idée comment qu'elle combat. Mais c'est un combat qui peut être intéressant. Tout de même, un combat de femmes, Couture et Vera vont sûrement, alors, Monsieur Couture et Monsieur Vera vont certainement être là pour assister leur conjoint dans un cas et l'ex-conjoint dans l'autre cas. Par la suite, il y a un autre combat qui peut être intéressant dans la catégorie des 205 livres. Il y a Rafael Cavalcante, connu puisqu'il s'entraîne avec les frères Nogueira et Anderson Silva. Il a 7 victoires et 2 défaites. Il va affronter Aaron Rosa, qui a 12 victoires et 2 défaites. Et finalement, le combat qui est en haut d'affiche pour cette carte-là, c'est deux combattants que je ne connais pas. Tyron Woodley de l'American Top Team, il a 4 victoires, tous acquises par soumission, n'a pas encore subi de défaite. Il affronte Rudy Beers, 10 victoires et 3 défaites. Ça, c'est un événement Strikeforce Challenger le 20 novembre, donc c'est un vendredi 2009 pour ceux que ça intéresse. Et on se rappelle, la prochaine carte majeure de Strikeforce, 19 décembre. Ah, je suis content parce que le UFC n'a pas présenté de carte aux alentours de Noël, mais Strikeforce, eux, ont eu cette délicatesse de nous offrir ce cadeau de Noël qui vous sera présenté le 19 décembre. Ce sera à San Jose, où Conley sera à son retour face à Scott Smith. Ronaldo Souza, son premier combat pour l'organisation. J'ai hâte de voir ça face à Matt Lindland. Robbie Lawler, depuis son revers face à Nick Diaz, mais ce sera son premier combat. Mohamed Lawal, son premier combat pour l'organisation. Evangelista Santos, Monsieur Christian Santos va être de la partie. Peut-être que Madame Christian Santos sera là également. Non, c'est une carte qui s'enligne pour être intéressante. On va vous en reparler en temps et lieu. Oui, j'aimerais ça juste dire, mentionner que ce gala-là, Strikeforce, va être la même journée que le gala WEC 45. Et c'est plate un peu, il va falloir qu'on fasse un choix de quoi regarder en direct. Mais je vais mentionner que j'aime la stratégie de Strikeforce d'aller face à face avec la WEC. Strikeforce n'est pas en position pour faire mal à l'UFC, mais ils sont en position pour faire mal, je pense, à la WEC en allant face à face avec eux. Et peut-être qu'il va y avoir plus de monde qui vont regarder le gala Strikeforce que le gala WEC. Les deux vont être présentés à TV gratuite. Alors, ça va être intéressant à suivre. Oui. Est-ce que tu es sûr que le Strikeforce, ça va être à la télévision? Oui, ça va être sur Showtime, sauf ben c'est la télévision américaine. Il faut que vous ayez accès à cela. Ce que je peux juste vous dire, 3 lettres, c'est FTA. Ah, encore un petit move de crosseur, là, je pense. Ah, non, mais non, mais non. OK, ben, je regarde un peu les cartes des deux, puis moi, mon choix est fait. Ce sera Strike Force quand même. WEC, je suis pas amoureux, même s'il y a un Canadien qui va être là, un gars de Sean Tompkins, Chris Arodecki, qui va y être pour son combat d'entrée dans l'organisation pour affronter Anthony Jokwani, qui est un Américain d'origine japonaise, en tout cas je le soupçonne, là, étant donné son nom. J'ai hâte de voir Arodecki quand même performer pour la WEC. Puis il y a également Rani Yaya, qui va être là, lui qui est sur une lancée absolument incroyable, là, de 15 victoires, donc 14 victoires par soumission. Alors, Rani Yaya, le maître des soumissions, qui s'est déjà entraîné avec Rickson Gracie notamment. Alors, quand même, c'est vrai, deux galas de la même journée d'importance comme ça. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Pour moi, je pense que ce sera Strikeforce, parce que Conley, c'est l'un de mes préférés, même s'il m'a déçu pendant ces quelques mois et plusieurs mois, je dirais, d'absence. Oui, mais malheureusement pour toi puis plusieurs de ces amateurs, je pense que Conley va revenir pour un combat, mais après ça, on risque de le voir encore inactif pour un bout de temps, parce que dans la même entrevue que je te parlais plus tôt, il parlait qu'il y a différents projets de films aussi qui commencent par après. Alors, le combat contre Scott Smith pourrait être juste juste pour chatouiller les amateurs de Conley, parce qu'après ça, je pense qu'on risque de le revoir inactif pour un petit bout de temps. Alors ça prouve qu'il faut absolument suivre les activités sur MMAnouvelles.com pour savoir tout ce qui va se passer, parce que moi, je croyais que Conley était de retour, mais j'ai omis de regarder cette vidéo-là et me voilà maintenant rongé par la tristesse et je sais pas comment je vais faire pour survivre à cette décision-là de Conley, qui est âgé de près de 40 ans, là, puis lui, c'était le temps pour lui d'en profiter, mais au lieu de ça, il veut jouer dans des films plutôt poches, là, que personne n'entend parler. Alors, ben, bonne chance pour lui et pour nous. Bien, on va essayer de penser à autre chose durant cette semaine-là. Et on est de retour avec une émission probablement très intéressante d'avant-combat, d'avant UFC 106. Manquez pas ça. Et sinon, en édition régulière la semaine prochaine avec d'autres sujets. Et là, je pense que le gros du mois de novembre est passé. On a eu un mois de novembre très actif, mais là, ça va être un peu plus calme. En tout cas, c'est ce que je crois, mais on va regarder ça la semaine prochaine. On va vous trouver de quoi dire. Sinon, Fred va nous parler de la grippe H1N1 et comment pouvoir vivre sans la piqûre. Exactement, on n'a pas besoin. La vitamine D, ça combat très bien. Oh, alors la vitamine D. Alors, on parle de ça la semaine prochaine.